Il y a tapis dans l'ombre. Une équipe de malades qui se réunissent pour parler de musique. Bonjour. Bonjour chers auditeurs. Salut les dudes. Bonjour à vous qui êtes ici pour nous écouter. Merci de nous recevoir Zekouli, c'est très aimable à toi. Ouais, c'est très sympa, hein. On se sent pas du tout forcé par rapport à votre précédent numéro, mais bon, maintenant qu'on est là, on va s'installer. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la déco, hein? C'est assez sympa. Hein. C'est sympa, c'est mignon. Ouais. Un peu sommaire pour un début, mais on va améliorer. Oui, on va pas non plus refaire toute la peinture, hein. Quand même je me suis fait chier. Alors, d'abord, moi je vais commencer par remercier tous les gens qui ont retweeté via tous ces phénomènes sociaux. Qui sont Facebook, Twitter et toutes ces choses fantastiques et tous les gens qui ont fait des commentaires sur le podcast, donc merci à toi Psycho. Ben, je t'en prie, c'était un plaisir. Merci à toi pour ton unique commentaire. Oui, bande d'enfoirés, vous m'avez bien entendu, vous n'avez rien commenté du tout, je ne suis pas du tout fâché, je vous aime quand même, vous êtes mon public, je vous adore. Moi je dis rien parce que j'ai rien commenté non plus, hein. Non mais toi tu es trop occupé, j'ai... Martin. Oh, je suis buzzy. Oh putain, j'ai trop une vie de gueule. Ouais, donc je tenais à remercier tout le monde en fait par rapport au retour qu'il y a eu. Sur le blog, vous n'êtes pas pressé, c'est sûr, mais j'ai eu pas mal de retours au contour de tout cela. Et tous les gens m'ont fait super plaisir, notamment aussi les mecs du projet du web quand on parlait à la fin de leur émission. Ça, c'était bien cool. Enfin, un grand merci à eux. Ah, carrément. Ouais. Puis j'espère que Will viendra nous faire une petite chronique sur les Deftones à un moment donné. Et pourquoi, ça va être bien sympa. Et pourquoi pas la blague de l'hippopotame. Ah, ouais. je passe. Bah, attendez, par contre, je tiens à préciser tout de suite. Hein. Yes. Je vais faire un peu comme Emma. Hein. Ouais, vas-y. Je tiens à le dire tout de suite, Psycho, c'est pas mon nom. Ah, bon, voilà. Ah merde, je suis déçu. Peut-être, je préférais te prévenir tout de suite avant que notre relation soit un peu plus poussée. Jean-Emmanuel Psycho. Exactement. Voilà. Tu as tout compris. Et Martin, tu t'appelles vraiment Martin, toi? Tous mes potes m'appellent Jean-Pierre. Mais... C'est bizarre comme prénom, Martin. Ouais. C'est original. C'est original. Putain, c'est serbe, c'est croate, c'est ouzbek. Aucune idée. C'est peut-être ouzbek. Je pense. Bon, mes copains. Allez, yes. Je vous prends par la main et on va commencer avec les news. C'est parti. Pour les news. Alors, moi je vais commencer avec une news que j'avais relevée il y a un petit moment. Du nouvel album de Tricky, Mixed Race, qui était en écoute sur son MySpace, bien gentiment et bien agréablement mis en ligne. Pour une durée limitée, je pense, parce que faut pas déconner non plus. Trop peur du leak MySpace. Donc, les mecs, est-ce que vous avez écouté son album? Alors, moi, l'album, non. J'ai écouté le titre qui est dispo directement sur la page. Ouais. J'ai écouté ça. Je suis assez mitigé. Ah ouais. Parce que, pour l'instant, tu reconnais la patte Tricky, mais ça manque un peu de basse. Je reçois pas encore l'effet trip-hop m'a bien habitué. Pour l'instant, je suis pas encore... C'est pas mauvais, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pour l'instant, je trouve ça très soft. C'est une belle intro. Ouais. Après, je te dis, j'ai pas écouté encore le reste de l'album, j'ai pas encore eu le temps. Mais tu ressens tout de suite la patte, hein, c'est clair et net, ça lui ressemble bien. J'espère que ça décolle un peu plus sur les autres morceaux, quoi. Ouais, non, mais à mon avis, il faut que t'écoutes le reste parce que ça va bien te plaire. Ouais, c'est pour ça, hein, je précise tout de suite que j'ai entendu que le premier titre et je trouvais ça sympa, mais un petit peu trop coulant pour l'instant. D'accord. Quand même. On espère que c'est que l'intro et que ça va un peu plus péter au niveau des basses, quoi. Et toi, Martin, t'as écouté ou pas? Non, j'ai manqué à mes devoirs là sur ce coup-là. Oh, là, grave. C'est mauvais. J'ai juste tapé sur les doigts avec une grande règle. Je ne connais pas du tout. Tu connais pas Tricky? Non. Ah, oh, dommage. Petit français qui déchire bien quand même, quoi. C'est... Ouais. Alors là, ça fait plaisir d'avoir ça sur la scène. Au niveau musique française, putain. Eh, mais il y a des exceptions comme lui, quoi. Voilà, ce mec est je un ouf. Je suis pas du tout à l'affût sur ce genre de... Savoir qu'il a quand même été à la base de Massive Attack. Massive Attack, ce cum, tout à fait. Donc c'est un... Ah oui, Massive Attack, je connais. Et bah c'est lui, c'est un peu ça. C'est après... le même genre de musique ou c'est... C'était trip-hop à la base. C'est mais beaucoup plus trip-hop, ouais. Après, il s'est barré en solo. Et il a une voix qui est vachement marquante, ce qui me fait un peu penser à Tom Waits, c'est un truc de ouf. Vachement dark, ça, il a un univers à lui, ce mec-là. Et ce qui est archi marrant, c'est que sur chaque album, il essaye d'avoir une nénette avec lui pour faire tout l'album. Pour ouais. chanter en duo. Enfin, je crois qu'à chaque fois, en fait, il se trouve que c'est sa nana du moment qu'il chantait avec lui. C'est concept, hein. C'est concept, c'est... why not. C'est une bonne méthode aussi pour serrer après tout. Ah quoi. Bah, je veux dire, grave. Tu veux faire partie d'un album ? Allez, ouais. Vas-y, viens ici. Allez hop, suis-moi. Viens, coach. Sur mes genoux. Viens, tu vas voir. Je vais te faire découvrir mon monde. Donc, mais ce qui est sympa aussi avec Tricky, je trouve, c'est en fait, comme tu dis, il a une voix qui est vraiment super sympa. Et en fait, c'est le ton qu'il prend, qui est une espèce de narration. Ouais, ouais, carrément. Qui t'emmène dans son univers et qui est vraiment super space, mais. Ouais. C'est un pur kiff à écouter ça au pieu, détendu, c'est vraiment sympa quoi. Alors toi qui ne l'as pas écouté jusqu'au bout, pour point de comparaison, Mixed Race, moi je le trouve super proche de Blowback, un de ses meilleurs albums quoi. Ah oui, oui pour moi c'est le meilleur, enfin c'est mon préféré. Quoi. Donc à mon avis tu vas quand même kiffer le reste de l'album quoi. Eh ben, je vais m'empresser de corriger cette erreur. C'est un album à écouter dans le noir, cher Dude. Mm. Très très bon album. Avec un casque, parce qu'il y a des très bonnes basses à l'intérieur, et je pense que vous allez prendre votre pied. Instant bien, je suis équipé. Eh oui, voilà. Eh bien, nous allons passer maintenant à la news sur Rob Zombie. Hein, ce bon vieux Dre de Barbu. Ah oui, c'est Rob Zombie. Qui fait tant qui développe des émois chez certains. Ah oui. Ah, des gens qui ne l'aiment pas. Ouais. Écoutez, moi, ouais. Je ne comprends pas. Pareil, j'avoue que je suis assez fan. Bon, après, pas tous les autres. Ah. Mais, Bon, bah, les gars, je vais faire une différence. Hein. Je ne suis pas du tout fan de ce mec. Ah, voilà, c'est surtout à cause de jeu. Moi, autant les gens qui n'aiment pas Marilyn Manson, je comprends tout à fait. Mais les gens qui n'aiment pas Rob Zombie, je ne comprends pas. Là. Non, mais Marilyn Manson, c'est autre chose. Enfin, il y a des gros clichés qui circulent sur Marilyn Manson. Et... Oui, oui. Et les gens l'aiment pas à cause de ces clichés-là, quoi. Parce que souvent, les gens qui l'aiment pas, ils ont jamais écouté ce qu'il a fait et tout. Très souvent, ils oublient qu'il y a un personnage. Que Rob Zombie, non, je n'aime pas. Surtout à cause de ses films, en fait. Ah ouais, mais faut pas confondre, c'est pas pareil, quoi. Je parle de Rob Zombie, les Icos, moi. Je suis pas forcément fan non plus de ses films. Je t'avouerai que c'est vraiment chier, mais. J'avoue que j'ai pas creusé, connerie. Non, son il est énorme. Je veux dire, moi, je l'ai découvert tout bêtement avec la BO de Matrix. Ouais. Et je me suis mis à écouter un petit peu son, ses albums, et franchement, il déchire bien quand même. Avec quoi. Dragula. Yeah. Ouais, c'est très celui-là. Et bah, en fait, Rob Zombie. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait? Et bah, il a engagé un nouveau batteur. Ah ah. Ah, et son nouveau batteur, c'est qui? Et bah, c'est Joey Jordison, le batteur de Slipknot. Il s'est équipé. Ouais, il s'est équipé de Joey Jordison parce que en fait son nouveau batteur pouvait pas venir jouer avec lui à la piscine parce que son nouveau batteur il était tombé, il était mort. Donc voilà. En fait, il a traumatisé la team d'Europe et c'est devenu même un zombie. Et voilà. Il a essayé de le choper avec une machette, c'est mal barré. Van pourri numéro 1. On va les compter. Ouais, en fait, je sais pas comment il est dead le... non, pas le bassiste, j'allais dire bassiste. Le batteur. Mais ouais, du coup, Rob, il a décidé d'embaucher Joey Jordison pour faire ses tournées. Mais il est vachement... vise pas dans le caca, quoi. Ah non, puis il est vachement occupé, Joey Jordison. Ça rigole pas, quand même. Hein. Ce mec-là, il est demandé de partout, je trouve. C'est un truc hallucinant, quoi. Ah ouais. C'est qu'au fin de compte, ça doit quand même être un bon batteur. Hein. Hein, je pense. Hein. Parce ouais, il y a des chances, hein, mais c'est pas trop dégueulasse ce qu'il fait. Non. Genre bah il est dans Slipknot déjà, bon bah ça c'est un bon combo bien connu quoi. Il a fait une session avec Metallica, il a fait une tournée avec Metallica, il bosse aussi sur The Murder Dolls, où il est avec Vendredi 13, son copain. D'accord, on connaît pas du tout. Ouais, bah c'est un peu du psychobilly metal quoi en gros. D'accord. Ok. Donc voilà, et je trouve qu'il est super productif. Alors du coup, vu que l'album de Rob Zombie, Hellbilly Deluxe 2, était sorti il y a pas très longtemps, eh bien il a décidé de ressortir Hellbilly Deluxe 2 avec des titres inédits qui ont été joués par Joey Jordison. D'accord, je comprends mieux cette réédition. Et voilà. Donc nouveau batteur, nouvelle version de l'album. Voilà, bon après on y verra peut-être un petit objet marketing quand même. Bah, c'est toujours ça, hein. De toute façon Zombie, enfin bon, faut pas se leurrer, les albums qui ressortent. Ouais. C'est soit des remixes de toute façon, soit des albums avec un inédit en plus quoi. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Eh oui, si vous faites la thune. C'est pour financer son prochain remake pourri. Ouais, bah il a encore plein de... C'est sûrement ça. Il y a encore plein de nouveaux projets. J'ai entendu qu'il allait faire Dora l'exploratrice. Apparemment, ça va être pas mal. D'accord. Mais je sais qu'il s'était tenté. Il s'est tenté aussi au comics avec une adaptation d'un truc dont j'ai entendu parler. Ça a été fait. Le Super Bisto, là, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ça a été fait. Il a sorti, je sais pas, genre 6 ou 7 albums. Mm-hmm. Pas mal du tout, d'ailleurs. J'ai lu quelques planches, c'était sympa. Puis ils ont surtout... fait un anime. Ouais, il y avait surtout un super dessinateur derrière, quoi. Donc, c'était qui? C'était un Mexicain, je sais plus du tout le nom, mais les Mexicains sont nombreux. Ils sont nombreux. Ouais. Donc voilà. Ok. Ok. Nous allons passer maintenant à Cake. Ah, attendez, moi je voulais revenir juste pour rebondir. Vas-y, je t'en prie. Tu vois, je rebondis là. Vous parliez de Slipknot. Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, aurait-il des news là depuis la mort de Paul Gray? Du tout. Bah, moi j'ai juste écouté l'album live qu'ils ont sorti là. Sinon, après là, je sais pas s'ils ont décidé de refaire quelque chose un jour. Bah, j'avais lu. Il y a d'ailleurs Joey Jordison, ouais. Tu parlais. Qui j'ai lu, je crois, dans une interview, enfin vite fait, qui allait avoir un album après. D'accord. Et ils savent pas trop quoi. Enfin, avec le même bassiste ou pas? Dur, je pense. Mais vas-y, bouge un peu, tu fous rien. Non, bah, écoute, je ne suis pas du tout au courant, mais c'est possible. En même temps, ce serait pas très con, parce que ça relancerait un petit peu le groupe d'avoir quelqu'un de nouveau dans l'équipe avec un nouveau masque. Je pense que ça peut un peu aider le business du truc, quoi. Mais ouais. Bah après, tu sais, t'as toujours Corey Taylor, le chanteur qui est sur Stone Sour à bloc, et puis... Stone Sour, oh là là. C'est pas cet album. C'est pas mal. Un dernier album, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'avais. Pareil, comme tu l'avais dit, je connais pas les autres en même temps, mais j'aime beaucoup. Le précédent album, j'avais été vachement déçu, comme Whatever May. T'avais. T'avais genre. Une chanson bien speed, le reste, c'était un peu relou, Love. Mm-hmm. Tout premier album était juste une tuerie monumentale. Mais ouais, le dernier, je me suis pas encore assez attardé, donc... Ah, il passe super bien, quoi. Ouais. Franchement, il y a de très très très très bons titres, quoi. Digital, que j'aime beaucoup, ou Dying, qui sont vraiment très sympas, quoi. Yes, j'ai vu que l'ami Plisken avait bien aimé cet album-là. Bah, c'est en fait en suivant son lien que j'ai découvert ça, et que j'ai vraiment bien kiffé, quoi. D'accord, moi j'ai pas encore... Écoutez, je vais remettre ça dans mon cax. Obligé. Puis je vais ragouter. Oula, donc on va passer sur Cake. Cake qui a sorti un nouveau titre et qui veut dire que bientôt il y aura un nouvel album. Et je pense que ce sera pour le mois de janvier. Et franchement, comment je kiffe Cake, moi les mecs, j'adore trop. Cake. Alors, en fait, je dois avouer que je connaissais pas moi. Ah ouais? Du tout. Bah voilà, tu vas être un peu tout seul. Bah, j'ai lu le truc, le post que t'as fait sur le blog. Ah ouais. T'as marqué qu'ils avaient 6 ans. Enfin, ça faisait 6 ans qu'ils avaient pas. Ouais, ouais. Du coup, il y a 6 ans, du coup. Ça fait un peu longtemps. Début 90, en fait, ces mecs-là. Ouais. Ils font un peu de la. Allez, on va dire du rock, surf music, new generation. J'essaye de faire des nouvelles catégories, moi je suis comme ça. Vas-y. On évolue dans Geekbox, on est là, on écrit le futur de la musique. On est là. Et ouais, en fait, c'est des mecs qui avaient fait déjà une reprise super connue de I Will Survive. Avec leur version à eux, donc bien grattée, avec des petites trompettes derrière, sympathiques. Et ils avaient fait. Il y a pas mal de titres qui avaient été repris aussi dans des films, notamment dans Food Irene. Hein, quand Jim Carrey s'énervait, des fois, à un moment donné, il noie une petite fille dans une fontaine. Oui. Et bah, c'est cette musique-là qui passe derrière, en fait. D'accord, il va falloir que je revoie la scène en poste. Moi, ça m'a marqué. Excellent. C'est tout ce que j'aime, quoi. Et voilà, quoi. Et moi, je suis super content qu'ils reviennent, ces mecs-là, parce qu'en plus, ils font des concerts déments. Et c'est vraiment énorme parce qu'ils ramènent carrément le tiki bar, si tu veux, avec du bambou, des conneries comme ça. Ils sont tous en chemise hawaïenne et ils font du putain de rock'n'roll de ouf en live. Excellent. Et franchement, ils assurent carrément à bloc. Donc, c'est les nouveaux garçons de la plage. Mais grave. Donc je vous conseille à bloc de retrouver tous les précédents albums pour les écouter. C'est souvent la même chose, mais ils ont leur son à eux. Et franchement, ça dépouille sévère, quoi. T'as un peu perdu la banane le dimanche matin, parce que c'est la loose le dimanche matin. Et bah, tu dis, putain, j'ai bien écouté un petit cake, histoire de me remettre de droit. Ça sent le vécu, ça, ce matin. Ah, ouais. Qu'est-ce que t'as fait, Zébouli? Il a démoulé un petit cake. Oh, pardon. Oh. Vote pourri numéro 2. Ce matin, j'ai été moins cool, je me suis écouté du Nine Inch Nails, semblant. Ah, pas mal. Ah, c'est ma drogue. Ouais. Donc, voilà. Je peux comprendre. Oh, Nine Inch Nails, raccord, avec la suite, là. Prochaine news, bien joué. Attention, tu le sens venir, attention, ça arrive. Eh oui, bon. Nine Inch Nails qui va sortir une série. What the fuck? Alors, sur HBO, alors là, trop mortel. Bah déjà, c'est déjà un gage de qualité, j'ai envie de dire, parce que tout ce qui est chier chez HBO, c'est forcément des trucs qui sont assez énormes, quoi. Tu allais rebondir là-dessus, psycho, toi, qui... Ah bah, moi, c'est... HBO. Ah, c'est ma chaîne de production américaine number one, quoi, je veux dire, quand tu vois tout ce qu'ils sont capables de nous lancer, que tu passes par du Trouble Out, que tu passes par du Deadwood, Rum... Yes. Enfin, comme on en a déjà beaucoup parlé, c'est déjà en plus une chaîne qui, par excellence, prête énormément d'attention aux bandes originales. Yes. Il suffit de regarder le générique pour savoir dans quel univers tu vas arriver déjà, donc c'est pas étonnant que ça arrive sur cette chaîne-là, quoi. Ouais. Alors, je trouve ça vachement cool parce que Year Zero était un putain d'album à part dans la discographie Nine Inch Nails, un peu conceptuel, et je trouve ça trop cool qu'ils soient décidés à faire un truc visuel derrière. Mais ça portait sur quoi, en fait? Il y a déjà quelque chose sur le sujet? Alors, par rapport à ce qui était sorti à l'époque, en même temps que la sortie de Year Zero, avant que l'album sorte, Train 13 Nord avait mis en place un petit jeu vis-à-vis des internautes où il fallait retrouver des vidéos qui traînaient sur le web pour l'annonce de Year Zero. Et en fait, si tu veux, tu avais plusieurs situations où des types étaient en train de se balader dans la rue, à la plage, des conneries. Et d'un seul coup, ils se retournaient et il y avait comme un espèce d'événement, une main géante dans le ciel qui arrivait. Enfin, un truc vachement bien foutu en plus. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez des vidéos qui avaient été faites, c'était des fakes, ou c'était des vaisseaux de Star Wars qui étaient à San Francisco ou je sais plus quoi. Ah oui, si, carrément. J'ai plus ça. Carrément. Ben, en fait, ça faisait carrément dans le même délire. Un peu dans ce délire-là où tu voyais les vaisseaux ou les ombres arriver carrément au-dessus comme ça, mais ça durait genre 2 secondes et d'un seul coup la caméra s'arrêtait comme s'il y avait une explosion. Et d'accord. Ouais. Et je me suis dit, oh, putain, c'est vraiment énorme, quoi. Et ils ont décidé, du coup, de faire une série là-dessus, sur un genre d'événement qui arriverait. Et voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant, quoi. Ah, ça pourrait être même orienté un peu façon tournage, alors je sais pas comment on dit dans le métier, mais caméra au point, comme ça. Genre façon truc amateur et tout, quoi. Tu voyais un peu le délire à la... merde, c'est Cloverfield, tu vois. Ouais, Cloverfield, ouais. C'est ça que j'ai cité. Tu voyais ce genre de délire-là, en fait, parce que d'un seul coup, le mec se retourne, t'as son pote qui dit « Eh, regarde, derrière toi !» Et puis il voit le truc arriver, et d'un seul coup, la caméra a vrac, quoi. D'accord. Moi, ça, ça peut donner, ça peut donner. Mais là, ouais, avec du HBO. Ouais, mais voilà, mais déjà. Que du bon, ouais, comme tu cites, Psycho, HBO, c'est quand même un gros gage de. Tiens, bah, même aux États-Unis. Qualité, quoi. Même aux États-Unis, j'avais appris ça. C'est, il paraît que les motels les plus renommés payent HBO et ils se le mettent directement en pub. Genre, nous, on a HBO, ça fait la différence, quoi. Et les gens, ils viennent que pour ça dans le motel. Ah, tu vois, c'est genre la folie, quoi. Bah, c'est comme il vient à l'époque en France avec Canal Plus, hein. Oui, c'est ça. Bah, en ce moment, est-ce qu'on voit avec Entourage, Creamy et puis enfin je sais pas, plus récemment How to Make It in America et tout, enfin c'est des super bonnes séries avec des super bandes son, enfin Il n'y a pas à dire. C'est super léché, quoi. C'est HBO, quoi. Ouais, puis connaissant un peu le néocortex de 13 Nord, je me dis que ça va être bien chelou comme il faut, comme truc. Et moi, je suis assez fan. Bon, j'ai un peu peur. C'est un malade mental. J'ai un peu peur quand même parce que. Bon, il est bien fan de David Lynch et tout ça, quoi. Donc. Je me dis que ça peut être barré super loin après, quoi. Mais J'espère pas trop parce que je suis pas un grand fan de Lynch aussi. Ouais. Donc, faut pas que ça aille si loin, tu vois. Bah, il avait déjà réalisé la BO de Lost Highway avec lui, donc. Ouais. Ah, je savais pas. Puis du coup, la BO de The Social Network là. Ouais, très darky. Hein. Ouais. J'ai suite au premier, au numéro 0, j'ai écouté aussi l'OST, quoi, donc c'est 5 ou 6 titres si je m'abuse. Ouais. Et c'est vrai que c'est. En même temps, tu vois la bande-annonce, ça colle. Donc, mais je pense qu'il a fait la musique qui convenait apparemment à l'univers du film. Ouais. Bref. Ok. Donc voilà, c'est cool, moi je dis. Enfin, en tant que fanboy, moi je suis trop content, quoi. Ah, tu m'étonnes. On verra ce que ça donne. Ouais. À voir. Et ouais. Donc, hop là, je virille sur la news, sur le nouveau titre de My Chemical Romance qui sort bientôt un nouvel album. Mm-hmm. Alors, moi, j'avais un petit peu délaissé My Chemical Romance parce que je trouvais que c'était plutôt devenu un groupe à minette, tout simplement. Ouais, c'est vraiment un groupe. Enfin, moi j'ai trouvé que ça virait un peu emo à minette. Ouais. Un truc, Quand tu voyais leur dernier DVD. Ça faisait un peu punk collégien, quoi. Enfin, c'est grave. Sum 41. Bah, c'est moi je connais ça, pas. Mais tout. Avec des riffs plus métal, si tu veux, quoi. D'accord, ok. Donc ouais, quand tu voyais le dernier live qui était basé sur The Black Parade, leur dernier album. Ouais, tu voyais que des petites nénettes de 16 piges en train de crier dans la fosse, machin. Tu disais, ouais, ok, bon, c'est même pas la peine, quoi, j'arrête là. Ah oui, il vaut mieux qu'ils arrêtent, oui. Et du coup, ils ont sorti un nouveau titre, là, récemment, qui s'appelle Nanana, avec un visuel qui est carrément rétro à mort. Alors, de toute façon, c'est la mode du rétro style années 80 en ce moment. Mais eux, c'est plutôt bien fait dans le bon sens et t'as l'impression de tomber sur un film carrément, comment dire, tu sais, les films qui sortaient au cinoche mais que personne allait voir, quoi. D'accord. genre des films français, c'est ça? Que même en VHS, ils les sortaient pas derrière, quoi. Ah, d'accord. Un peu un snuff, un truc comme ça, quoi, un truc pareil, quoi. Ouais. Et ils sont pas très sur motivant. Des trucs là-dessus et le titre est vraiment bon. Donc c'est peut-être aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais rien entendu d'eux. Mais je me suis dit, oh, putain, il y a un bon espoir qu'ils nous fassent un truc intéressant parce qu'ils reviennent avec des guitares qui ont des couilles. Mmh. Et ça peut être plutôt cool. Parce que moi j'avais été bien fan des deux premiers albums. Et puis j'avais un peu lâché l'histoire derrière du coup à cause de toutes ces conneries. Mais là, ouais, j'ai bon espoir que ça redevienne un petit peu plus balèze. Serait-ce le retour de My Chemical Romance dans nos cœurs? Peut-être bien. Espérons. Mais je pense qu'ils vont aussi choper autant à mort des nouvelles petites nanas, hein, de toute façon. Donc, ouais. D'accord, c'est le retour dans le string de moins de 16 ans. Donc. Ouais. Mais on peut pas se fier à une chanson comme ça. Faut attendre l'album complet, quoi, parce que c'est des trucs qui jouent des tours. En bien qu'en mal, je suis assez d'accord. Des fois, les singles, c'est pas forcément le visage d'un album, donc. Faut pas détester d'avance non plus, pas. Par contre, je suis bien fan du chanteur, même si des fois il fait un peu porte nawak. Bon, il a une gueule d'ange, ça c'est sûr. Les nanas tombent amoureux de lui, c'est normal, quoi. Mais ce mec est super, super balèze, et c'est aussi un très bon auteur de comics. Yes, carrément. D'accord. Donc il a bossé sur plusieurs comics, sur des BD, sur des trucs intéressants. Il fait aussi lui-même des trucs, quoi. Donc je vous conseille de choper ça et d'essayer de voir parce que franchement c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, bah ouais, ça peut être sympa. Ouais. À suivre, on va dire, quoi. Yes. Ensuite, bah écoutez, je vais vous laisser un petit peu bosser, bande de feignasses, parce que là moi bah, ouais, bah, je vais finir ma bière et puis voilà, quoi. Eh ben, mais vas-y, mais glougloute. Alors, je prends le devant, là. C'est ma news, c'est moi qui ai posté ça sur, sur le blog. J'ai triché, c'est moi qui l'ai rajouté exprès pour que tu réagisses. Le nouveau single de Jamiroquai, qui s'appelle Blue Sky, qui est sorti avec un clip, et qui est juste... Porte Nawak, quoi, c'est Jamiroquai sans le funk, et c'est n'importe quoi. Enfin, le clip est monstrueux, c'est JK sur une moto à travers le désert. C'est complet, enfin, y a rien, quoi. C'est du Jamiroquai sans funk, enfin, ça ressemble à de la pop. Non, mais c'est vide. En fait, c'est vide. Enfin, j'ai même pensé à un moment, deux secondes, mettre ça dans la rubrique fail. Ouais, non, mais franchement. On a parlé de ça avec On a parlé un peu déjà, quoi, et franchement, mais c'est de la merde. Ça aurait pas été. J'ai pas d'autres mots, quoi. Tu compares avec ce qu'il a fait avant. Enfin, c'est pas Jamiroquai. Je dis pas que le titre est mauvais, mais j'ai pas envie d'entendre ça. C'est quoi cette balade slow, c'est merdique, sans punch, sans rien, sans groove. Y a rien, y a pas de funk. Mais vous trouvez pas qu'il avait déjà pris un vieux virage tout pourri sur le précédent album, quoi? Si, ça se. Bah, voilà, moi je m'étais dit justement, il a compris qu'il avait fait une boulette. Mmh. Donc il s'est laissé disparaître gentiment. Tu sais, je vais me faire oublier, puis je vais revenir dans le meilleur pompe, on va dire. Ouais. Bah là, pour l'instant, c'est loupé, quoi. Donc, comme je disais avant, j'espère qu'on peut pas se fier à un titre pour un album. Mais ben, franchement, tu vois le ride dans le désert avec sa pauvre bécane, je peux pas m'empêcher de repenser au ride avec ses caisses dans un précédent clip ou avec les Lamborghini, bah etc. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Ça fait penser à la même chose. Tout ça pour se finir avec un. Alors, on va pas appeler ça du spoil, hein. À la fin, ça se finit avec un hélico que tu vois descendre, mais c'est super, quoi. Trop bien. Bravo. Non, mais franchement, là. C'est Michel Drucker qui conduit. C'est de la grosse déception. Quoi. Non, j'espère que dans l'hélico, ils ont prévu le sac à vomi. Hein, parce que là, franchement, c'était lamentable. Écoute, Jamy, on descend là, mais nous, on peut plus descendre. Non, sérieux, c'est pas possible. Non, j'espère que ça s'est amélioré. Ok, réveille-toi, quoi. On est nombreux à l'attendre, quoi. Je veux dire, comme on en parlait, nous, la dernière fois avec Martin. Moi, je sais que ça, que ça soit au collège ou au lycée, c'était un gros kiff. C'était super bon. Tu vois, comme tu disais, toi, t'écoutes de certains. De musique au réveil, ZB. Ouais. Moi, c'était le truc. Bon, t'as pas envie d'aller en cours, tu mets ça et t'as envie de danser un peu en y allant finalement et ça te motive un peu, tu vois. C'est, ça colle nickel, c'est perfect. Sauf que là, non, quoi. Là, en fait, j'ai pas entendu Jamiroquai pour moi, quoi. Ouais, non. Puis il a même pas sa coiffure, quoi. Enfin, dans le clip, c'est. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi c'est quoi le délire, quoi? Elle est où la momo? Le plus qu'il a même pas vu, quoi. Mais grave, c'est Nawak. Supersonic. Mais je crois qu'il aurait dû rester la tête dans un avion ou un truc comme ça, parce que là, ça va pas du tout. Ou dans un didgeridoo. Ouais, why not? Et là, on en est loin, quoi. Ouais. On en est bien. Psycho, t'enchaînes. Yes, donc moi je voulais parler d'une nouvelle. Je ne sais pas du tout comment la prendre en fait. Une petite nouvelle sur le groupe Nickelback. Donc en fait, bon, j'imagine que vous n'êtes pas tous forcément fans. Moi j'aime beaucoup leur rock. Ouais, ouais. Je les ai découverts peut-être comme beaucoup dans des bandes originales de films comme Daredevil ou des trucs comme ça. J'aime bien leur petit rock. Ça casse pas des briques, mais c'est un bon petit son. J'aime bien la voix du chanteur. C'est super sympa. Ce petit groupe canadien, moi je trouvais ça assez sympa. Sauf que franchement, il faut dire que ça pue sévère dernièrement. J'ai pas du tout aimé le Dark Horse, le dernier album de 2008 là. Je trouvais que c'était une purge. Donc j'avais envie d'en parler parce que j'avais envie de l'assumer, de le dire devant vous. J'aime beaucoup Nickelback, mais j'espère que je vais pas le regretter en fait, quoi. Donc je sais pas comment on doit reprendre cette nouvelle du fait qu'il y a un retour en studio prochainement, qu'ils ont décidé d'embrayer le chanteur dont je ne me rappelle plus le nom, rien, on va dire what the fuck. Voilà, qui a annoncé donc directement qu'il allait revenir avec toute son équipe et c'est parti. Donc c'est Chad Kroeger, pardon. Chad Kroeger. Voilà, qu'ils allaient retourner en studio. Alors j'espère que dans son esprit, c'est en se disant j'ai fait de la merde en 2008, je reviens du meilleur effet. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, j'avais juste envie d'en parler parce que je trouve chier que des artistes qui sont vraiment pas mal, qui ont un son pas spécialement eux, on va dire, qui est assez classique, mais qui a un bon flow. Et j'aimerais bien que ça revienne un peu plus punchy, comme on a aimé certains titres. Je sais pas, ouais, franchement, moi, j'ai découvert ça dans les bandes originales de films. Genre, la chanson Remind Me qui est sortie en gros matraquage à l'époque. Carrément. Ouais, c'était quand même assez énorme. Cet album-là était pas mal. Hein, Silver Side Up. Ouais. Et mortel. Était pas mal. Never Again aussi, c'était un très bon morceau, j'avais vraiment adoré quoi. J'avais pas accroché à tout l'album, mais non, quelques bien sûr. Bonnes petites bombes. Bon, les singles après, tu pouvais juste plus l'écouter parce que tu l'entends. Non, c'est un peu le problème. Mm. T'entends ça partout, puis il y a le film, il y a l'effet de aussi de passer du OST. Remind me what I really am. Yeah. Ouais, c'était un peu. Enfin, en même temps, c'était un petit peu le moment du revival rock des débuts années 2000, où plein de groupes qu'on repercé comme ça d'un seul coup. Mais Nickelback était déjà des vieux de la vieille, hein. Mais ils ont. Vieux de la vieille, premier album, il est de 96, quoi. Tu peux pas dire non plus qu'il s'est. Non, mais bon, maintenant, ça fait assez longtemps, quoi. Enfin... Par rapport à l'époque, mais quand ils sont ressortis avec les films, bon, ils en étaient qu'à leur deuxième, quoi. Donc, c'était pas non plus. Enfin, non, troisième album, pardon. Ouais. C'était pas mal, trois albums, ça veut dire c'était qu'il y a pas mal, une époque avant d'abord, quoi. Ouais, les précédents albums, c'était moins. J'accroche pas. Hein, ils avaient pas la pêche. Hein. Non, ils ont. Je parle peut-être que. Ben, tout, ils ont trouvé leur son. Hein, j'ai trouvé leur son. C'était ça. Ah oui. Mais donc voilà, c'était ma petite news. T'en penses quoi, toi, Martin? T'as envie de vomir, c'est ça? Non, moi j'avais bien aimé. Enfin, j'ai connu que leur gros single. Je retiens pas les noms, par contre, celle qui était, comme vous disiez, matraquée à l'époque. Et c'était du rock qui me plaisait bien quoi, mais après j'ai jamais, enfin j'étais encore un peu jeune à l'époque hein, quand c'est sorti il y a assez longtemps je crois. C'est 2001. 2000, ça a bien 10 ans ça a bien 10 ans quasiment. Ouais, j'avais 11-12 ans, enfin donc voilà quoi, c'était À cette époque là t'avais des challengers quand même en face, hein. T'avais Linkin Park qui perçait, t'avais Staind qui sortait. Ouais voilà, j'étais plus dans la mouvance Linkin Park et tout que... J'écoutais plus les gros trucs un peu mainstream qui passaient à l'époque. J'étais plus barré sur Staind avec l'album Break the Circle qui était juste une putain de tuerie quoi. Puis après ils ont fait que de la merde aussi, donc voilà. Je pense que toutes nos idoles de l'époque ne font plus que des bouses. C'est un peu ça. Ne parlons pas de Linkin Park s'il vous plaît. Non, on va essayer de pas du tout en parler quoi. On va pas du tout en parler. Faut que je respire. C'est quand même une grosse démangeaison cet album. Ah, j'allais devenir tout vert là, j'allais tout péter. Non, fais pas le Hulk. Le Hulk. Ouais. Donc voilà. Ok, thank you very much. Eh bien, nous allons passer à la news suivante. Martin, je te laisse la lancer. Ouais, j'enchaîne. C'est un peu une news fail hein, parce que c'est pas vraiment une news quoi. Ça date un peu du début de l'été. Ouais. Mais bon, je l'ai appris il y a pas très longtemps et c'est les Transplants qui reviennent sur le devant de la scène. Et qui sont, en fait, vu que ça fait un peu depuis le début de l'été qu'ils reviennent, il y a déjà un album qui est déjà bien avancé. Ouais. Bah, n'empêche que ça doit être un peu dur à sortir parce que le petit père Barker, il est pas mal occupé en ce moment. Hein. Ah ouais, il est un peu sur tous les fronts. C'est clair avec ses remix de. C'est un mix aussi bien de hip-hop, super bien léché que ultra pourri. Enfin, j'ai écouté son avec les Cool Kids. Enfin, je suis pas du tout fan quoi. Non, du tout. Ah, par contre, il y avait un truc sympa, c'est que quand tu téléchargeais le titre, je sais pas si t'as fait le truc officiel. Oui, on pouvait avoir des lunettes 3D. Des lunettes 3D, est-ce que tu l'as fait? Bah non, enfin je sais pas, je suis pas allé plus loin, je me suis dit c'est un truc réservé aux requins, ils vont pas me l'envoyer de toute façon. Moi, pauvre petit français, paumé dans ma campagne. T'avais un truc pour la France, et moi j'ai commandé mes lunettes 3D. Oh putain, et c'est gratuit? Ils sont gratos. Ah bah je vais le refaire alors, parce que je dois encore avoir le lien. Mais juste pour avoir les petites lunettes. S'il y a marqué Travis Barker dessus, ça serait cool. Mais elles sont mortelles, elles sont carrément classe, les petites lunettes. Elles sont puissantes. Mais c'est vrai. Non, mais ouais, pour en revenir aux Transplants qui reviennent, ça peut. Moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait à l'époque. Moi, j'étais bien fan. Enfin, surtout, beaucoup plus du premier album qui était juste un ovni musical énorme. Ouais, et qui a carrément envoyé du pâté, même. Donc c'était bien terrible. Le second album donc, était pas mal, mais je vais faire encore l'Indiar. Ouais. Et comme ça, ça permettra peut-être de renseigner un peu nos auditeurs sur le sujet. Les Transplants, ils font quoi? Les Transplants, quel style? Ils font du. Allez, on va faire un gros mélange. Attention, faut mettre un Putain, ils vont encore me inventer un nom, ça va tuer. Alors on va mettre tout ça dans un petit saladier. Moi je dirais déjà punk. Shaker, c'est mieux. Punk, ouais, ça c'est sûr. Punk, ouais. Hip hop. Ouais. Big beat. Oula. Ouais, Big Beat, si vous connaissez pas, vous visualisez Fatboy Slim, qui est le roi de la Big Beat. Ouais. Fatboy Slim Freestylers. Et vous mélangez un peu le tout. Et vous avez Transplant. D'accord. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une grosse tuerie de la mort. Enfin, je mettrai les liens. De toute façon, les titres sont sur Spotify. Pour, ouais, hip hop, c'est du rap. Ouais. Presque hardcore. Enfin, dans le rappeur qui est dedans, la Rob Zombie, son rap, son flow, c'est assez c'est violent, quoi. Le il rappe pas, quoi. Enfin, il gueule limite, c'est un peu ça, quoi. Ah ouais, c'est plus hip hop, c'est carrément bon rap violent, quoi. Ouais, du gangsta, quoi. Ah ouais, t'as l'impression. Ah ouais, ils sont totalement dans le délire gangsta ouais, rap aussi avec du punk, quoi. Enfin, c'est. Quand c'est vois, assez excellent comme. Quand tu vois Bob, le gueulard hip hop dans le crew et que c'est le cum, il a carrément des gros tatous partout, même sur le crâne, alors qu'il a le crâne rasé, et tout ça. Enfin, ouais. Juste pour raconter ma life, j'ai un pote qui est allé le voir, enfin, qui est allé à Los Angeles, je crois qu'ils ont leur. Enfin, au shop Famous Stars and Straps. Ouais. Et il allait dans le shop et il était dedans, le mec. Et apparemment, alors mon pote il s'est fait dédicacer et tout, mais apparemment le mec sentait la beuh à mort. Quoi. Enfin, les mecs, c'est des bons gros shootés, quoi. C'est pas juste des petits des airs qui se donnent dans les clips. On se débrouille avec Cypress Hill. Ouais. Ben, je voudrais pas dire, mais bon, dans le deuxième album, ils ont fait des titres avec Cypress et tout ça. Hein. Puis... Ah bah voilà, tu vois, je connais même pas. Voilà, ça vient de là. Ils ont fait des titres avec Cypress, et ils ont fait des trucs aussi avec les Booyah Tribes, un putain de groupe de ouf qui était. C'était des Samoa qui faisaient du metal et du rap en même temps. Ah oui, ça j'ai déjà entendu ça. Et franchement, avec c'est des petits c'était assez sympa. Ouais. Et c'était bien cool. Et du coup, ils ont fait un truc avec les Booyah Tribe sur le dernier album. Et c'était pas mal du tout. Donc là, moi, j'attends vraiment ce truc de pied ferme parce que franchement, je suis méga fan, quoi. J'ai même une petite affichette des Transplants dans mon bureau, juste à côté de moi. Donc voilà, quoi. Classe. Ouais. Donc et voilà. The next one. Bah écoutez, après sur les news, je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Oui, Martin, il nous en a mis une petite dernière. Ouais, alors moi, juste pour rajouter une petite news sur Nujabes. Donc pour ceux qui connaissent pas Nujabes, c'est un producteur DJ de hip-hop japonais. Et qui officie dans un style assez particulier qui est le jazz, le hip-hop ambiante et le jazz rap, on va dire. Ouais. J'appelle ça comme ça. Et il a surtout été connu pour son OST de l'anime du super animé Samurai Champloo. Super Fantastique 3. Ah ouais. Mort. Ça c'est the anime, quoi. C'est. Ouais. Et il a signé, je crois, deux albums. Il y en a eu 4 en tout, je crois. Ouais. Et il en a produit 2 de l'anime et ils sont juste excellents. Bah oui, c'est. Enfin, c'est de la musique, mais vraiment c'est le d'OVNI, quoi. C'est. Ah carrément. C'est vraiment du. Il y a beaucoup de featuring avec un rappeur japonais aussi qui s'appelle. Il s'appelle Shing 02. Ouais. Et alors c'est lui qui fait d'ailleurs qui chante sur l'opening de l'anime. Et il a fait beaucoup de musique. Ses musiques les plus connues, c'était c'est une série en fait, ça s'appelle Love Sick. Et il y a le rappeur qui chante dessus et c'est vraiment excellent. Et donc tout ça pour dire qu'il est mort, malheureusement, au début de l'année. Et qu'il va y avoir un album hommage. Alors, par tous ses potes, tous ceux avec qui il a collaboré. Ah, ça va être terrible, ça, je le sens. Ça peut être très. Et donc, j'ai posté un mini hommage sur le blog. Et vous pouvez aller voir tout en bas du post. Il y a déjà une musique qui est sortie de l'album. fait par ses potes, et franchement c'est que du bon quoi. Pour ceux qui veulent pas foncer quoi, c'est ouais. Moi, je vois, s'il y a des gens qui savent pas trop comparer encore aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à trouver des trucs de New Jabbies, je pense qu'il y a, DJ Crush qui est pas très loin de son univers. Et il y a aussi, je sais pas, un peu plus loin, mais dans la même sphère, il y avait aussi DJ Shadow qui était bien fan. Ils étaient bien potes en plus, je crois. Ouais, ouais. Non, mais moi, ça me fait trop chier parce que c'est quand même le mec. Le mec, c'était un peu le meilleur de son mouvement, quoi. Et c'est un peu le mec qui symbolise tout le mouvement. Et le fait qu'il meure, quoi, c'est un peu la... le mouvement meurt un peu avec lui. C'est enfin, personne papa, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est, c'est... carrément. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu vraiment de relève en plus hein, derrière vis-à-vis de ce genre de zik. Hein. Enfin, pas ouais, ma connaissance. Je sais que chez Ninja Tunes, ils sont à bloc là-dessus. Ils cherchent carrément du monde pour faire ce genre de délire. Mais bah, il n'y a pas encore des gens qui ont trop le level par rapport à lui. Hein. Donc, voilà. Ah ouais. Puis même ceux qui ont un peu, qui rebutent un peu face au rap, franchement faut écouter parce que c'est, ça n'a rien à voir quoi, c'est toute une autre mouvance, c'est carrément super poétique et c'est il y a rap et rap aussi en même temps hein. c'est vraiment excellent. C'est un peu de tout quoi, c'est un peu comme quand on dit rock, le mec il sample des musiques de jazz mais il sample du Miles Davis quoi, enfin il sample pas du n'importe quoi. Ouais, pas du Norah Jones quoi. Ça c'est fait. Hop. Bah, non, c'est vraiment excellent. Ah, faut se mettre au niveau de tout le monde. Tu m'étonnes. Ok, voilà. Ouais, donc rest in peace, New Jabbies. Franchement, ouais. Monsieur New Jabbies, vous étiez un très grand artiste. Bravo. On vous regrettera. Bravo. Rip. Voilà. Moi j'avais encore quelques petites news que j'avais pas écrites et que je vais vous mettre dans le fion comme ça, les mecs. Attends deux secondes, tu sors la vaseline s'il te plaît parce que là ça pique. C'est quand même dimanche soir. Ça pique. Je sais pas si vous étiez allé voir, mais il y avait Billy Corgan qui était de passage en France. Billy Corgan, le leader des Smashing Pumpkins. Tout à fait. De toute façon, le mec déjà juste le truc trop pourri. Il était venu en France tout seul, sans le groupe. Donc il estime que les Smashing Pumpkins, de toute façon, c'est lui. C'est de la merde sans lui, ouais, voilà. C'est lui. Qui a trop le melon, quoi. Voilà. Et il est venu jouer des titres chez Frédéric Taddeï. Ah mais carrément, tout seul en plus, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, j'ai vu qu'il était passé à lui dans l'émission. Ouais. Sur France 3. Ouais, sur France 3. Et il est venu jouer un titre à la gratte, un truc inédit, tout ça. Il a été aussi joué dans une bibliothèque, il me semble, ou pour une séance de dédicace, enfin, truc rien à voir. Et il est venu jouer des titres tout seul à la gratte sèche. Et en fait, il était en train de quasiment dire à tout le monde que c'était la nouvelle voix des Smashing Pumpkins, que de toute façon, ça allait être comme ça. Et genre lui tout seul, tu veux dire, ou l'acoustique? Pas lui tout seul, mais l'acoustique à bloc, quoi. D'accord. Et qui trouvait que c'était les meilleures choses que les Smashing Pumpkins aient jamais fait depuis super Oula. Longtemps. Serait-ce le syndrome Axl Rose? Ah, ouais. Ouais. Là, moi, j'ai super peur parce que moi, je kiffe les Smashing Pumpkins que quand ils font des trucs bourrins, quoi. Bah ouais, bien vénère. C'est ce qu'on. Enfin, moi, c'est ce que j'attends aussi d'eux, quoi. Mm. Donc en plus je suis assez sur le cul parce que le dernier album était quand même juste une méchante tuerie parce qu'il revenait à quelque chose de beaucoup plus vénère. Bon depuis ils ont perdu leur batteur qui s'est barré parce que je pense qu'il en avait marre de cet enculé de Billy qui se prenait trop pas pour de la merde. Et ouais, je sais pas, enfin moi ça me fout carrément en l'air parce que les Smashing Pumpkins, c'est mon groupe d'adolescents quoi. Et je suis un peu blasé que ce mec pense que c'est ce que doit être les Smashing Pumpkins. Il est en train de tuer le groupe. Donc en fait, là il sortait un nouvel album qui s'appelait Tiergarten, by Kaleidoscope. Mais il y a principalement que des chansons acoustiques ou des trucs avec du clavecin et oh là là. Ouais ouais. Il y a Christian Morin qui vient là. Ouais, c'est ça. Featuring Christian Morin et puis Bernard Montiel qui fait des vocals. Et puis histoire d'avoir un autre jet setter qui a le melon. Quel level. Et ouais, du coup, il a dit qu'il allait faire sortir un deuxième EP derrière du coup. Mmh. Avec des nouveaux titres et qu'ils allaient sortir, il y a un prochain titre qui va sortir fin novembre ou début novembre, je ne sais plus. Et il dit, ouais, ça va être la révolution, machin, Smashing Pumpkins. Donc moi, j'espère que la première partie de l'EP, qui était celui qu'on a entendu et qui était en téléchargement libre, le tout pourri, était vraiment spécialisé qu'un côté acoustique et que l'autre côté sera un truc bourrin, quoi. Mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions et j'ai très peur. S'il commence à l'annoncer à l'inverse, faut peut-être pas trop chercher, quoi. Ouais. Là, j'ai très peur. C'est limite un pré-fail. Ah, section, on va faire une section pré-fail, là, parce qu'on a enchaîné quand même, je trouve, depuis le début. Ça mériterait presque sa section, tu sais. Ouais, mais ça me fait chier parce que, bon, c'est un putain de chauve. Et moi, j'aime pas quand les chauves font n'importe quoi. On aime les chauves. On est les chauves, nous. Yeah. Bah ouais, donc c'est pourrave, quoi. Ouais, c'est vrai que ça. Enfin, après, je sais pas, le passé que vous avez, vous, avec les Smashing Pumpkins, mais voilà, quoi. Moi, c'était. C'est pareil, enfin, moi j'ai écouté ça pas mal tout au cours du lycée. C'est vrai que bon, ce que j'attendais d'eux, c'était vraiment d'avoir du son qui m'éclate la tête, quoi. Ouais, une sorte de mon état second de lycéen. Et si c'est pour repasser à un groupe, voilà, c'est bien s'ils veulent prendre un autre virage, quoi, mais c'est dommage parce qu'à quelque part on va les perdre, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ah ouais. Enfin, on est loin de l'époque. Tout ça, c'est pour un mec qui a le melon encore. On est loin de l'époque zéro au Butterfly. Ah, Butterfly. Ouais, donc, tu m'étonnes. Ouais. Rest in peace, les Smashing Pumpkins. Ouais, voilà. Why not? Allez, un deuxième rip. Deux décès. Why not? En trois, on en est trois avec Jamiroquai, là, je crois. Ah, avec Jamie, ouais. Non, mais c'est dit, on va faire une section pré-fail. Ça va être nickel, comme on ça. On est nique à tour de bras ce soir, les cums, hein, quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc on va passer au fail du coup, on va rester dans la continuité du délire. Arrête, je voudrais juste rajouter une dose sur un petit post que j'ai fait, une petite vidéo que j'ai trouvée sur le net. Terrible, alors bon, ok, c'est déjà sur le site, donc je voulais juste appuyer pour ceux qui l'ont pas vu, qui nous écouteraient, faites-y un tour, ça vaut le coup. Justin, je suis pas un fan, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a une bonne personnalité, qui a un bon petit son. Ça fait du bien d'avoir un petit blanc comme ça qui soit pas Eminem seulement, quoi. Ouais. Et il s'est tapé un délire lors d'une émission sur NBC pour la promo de The Social Network avec Jimmy Fallon. Ouais, avec Jimmy Fallon, où il se tape un trip en à peu près 3-4 minutes accompagné, mais avec pas n'importe qui, mais The Roots, quoi. Ah, putain, The Roots. Il se tape le trip de revisiter tous les grands classiques du hip-hop en passant par vraiment du Dre, du Snoop, enfin bref, tout ce qu'on a kiffé du son US quand on a été dans le hip-hop aux années 80 à on va dire un peu plus de 2000, même jusqu'à P.I.M.P. et des trucs comme ça, c'est juste tout simplement énorme. Fallon, il a tombé par terre, quoi. Franchement, ouais. Il m'a fait sur ce coup-là. Ouais, ouais. Voilà, donc c'était quand juste pour dire. Les Beastie Boys, c'est juste énorme, quoi. Ah oui, mais Fallon, quand il imite le chanteur des Beastie Boys, il le fait vraiment trop bien, quoi. Ouais, c'est... Et donc c'est une vidéo qui vaut le détour, quoi. Franchement, c'est à voir et c'est disponible sur la page de Zigbox. Zigbox. C'est vrai que outre le fait que Timberlake ça soit un bon chanteur et tout, c'est un super bon comédien. Quoi. Moi je l'avais vu dans c'était quoi le film? Il avait tourné un film où il faisait un dealer. C'était c'est Alpha Dogs. Alpha Dogs, voilà. Alpha Dogs, et je l'avais vu dedans et il jouait vachement bien. Et je l'ai vu dans un thriller aussi, et dans un thriller où au final il se retrouve un peu avec la loi, enfin des flics contre lui. Alors je me rappelle pas du tout du nom. Et pareil, il m'avait vachement surpris, quoi. Le mec, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'était vraiment génial. Le mec, putain, mais je m'attendais pas à ça de la part d'un chanteur, quoi. Ouais, c'est pas juste un chanteur à minette, quoi. C'est... Il chante, il danse, il est bon acteur et il s'est tapé toutes les bonnesses dont je rêve. Bon, je parle pas de Britney, hein, merci. Hein. Shave head. Ah non, quand même. Ouais, ouais. Voilà. Donc ouais, c'était le dernier petit. Jimmy Fallon, qui a un putain d'animateur aussi. Avant, il faisait partie de toute la clique Saturday Night Live. Ouais. Et franchement, ce mec-là, il vaut archi le détour. Moi, je l'ai connu surtout à une émission qu'il faisait il y a super longtemps dans Saturday Night Live. Il faisait un truc en interne qui s'appelait Celebrity Jeopardy. Et qui était juste trop, trop, trop mortel avec Will Ferrell qui jouait l'animateur. Ah, Will Ferrell. Ouais. Et franchement, je vous conseille d'aller choper les vidéos sur Dailymotion ou des trucs comme ça. La qualité est pas superbe parce que ça date, mais si vous pouvez regarder les Celebrity Jeopardy, en fait, le concept c'est que c'est un Jeopardy, mais ils invitent toujours des gens archi connus. Et t'as plein de gens qui, des guests, les guests de l'émission Saturday Night Live, qui viennent faire des caméos à l'intérieur. Donc t'as comment il s'appelle, merde, Matthew Perry qui vient faire qui imite Michael Keaton, enfin ouais. Sympa, t'as plein de trucs super en fait. Toutes les 5 minutes Michael Keaton il fait un Batman. C'est juste excellent. Il y a, allez. C'est en référence peut-être à un épisode de Friends où lors de son mariage il sélectionnait un costard qui avait été porté par l'ancien Batman. Ouais, peut-être bien, ouais. Mais ouais, c'est énorme. T'as plein de gens. Merde. Allez, Elijah Wood qui fait Keanu Reeves, je crois, je sais plus quoi. Enfin, c'est ouais, bon, ça se prend vraiment pas au sérieux. Quoi. Ah ouais, non, mais grave quoi. Ah bah c'est sur The Night Live quoi. C'est... Ouais, vous allez trop kiffer en plus parce qu'il y a des personnages récurrents à tous les épisodes. T'as Sean Connery qui vient à tous les épisodes et qui se fout de la gueule de l'animateur. Enfin, c'est juste trop bon. Les questions sont à se pisser dessus quoi. Donc voilà. Sympa. Ouais. Donc voilà, bah, nous on va plutôt aller vers les fails. Hein, allez, voir ce qu'il va voir. Et c'est parti. Comme si on n'avait pas déjà mis assez une grosse dose. Les fails. Alors, pour les fails, moi je vais commencer avec une news que j'ai entendue qui m'a fait délirer parce qu'au final, ça m'a un petit peu pris par derrière. Comme quoi Tony Blair aurait. J'ai gardé la vaseline à côté, t'inquiète. Comme quoi Tony Blair aurait avoué à la presse qu'il était fan d'Oasis, de U2, mais surtout. Et là, ça m'a fait mal, des Foo Fighters. Ce qui me fait plus mal, je crois, c'est encore plus Oasis. Ouais, enfin bon, voilà, après, ça dépend de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, quoi. On est d'accord. Mais putain, moi j'ai plus envie d'écouter les Foo Fighters. Non, c'est vrai que ça te dégoûte un peu, quoi. J'imagine bien Tony Blair en train de s'énerver. Sur Breakout ou des trucs comme ça. Ouais, grave. Ouais, moi qui suis archi fan de Dave Grohl et tout ça, je m'imagine trop sa réaction en apprenant que Tony Blair est fan de lui, quoi. C'est un coup qui rate la musique, quoi. Ouais, où il a dit tabasser un mec après, ou je sais pas. Où il devait être mort. Pas tant d'épreuves pour moi que ça. Encore U2, je m'en branle un petit peu parce que j'en ai rien à foutre de leur vie. U2, tout le monde aime, tout le même pote, c'est. Ouais. C'est du commun, quoi. Tu sais, c'est ce genre de groupe U2 où en fait. Tu te mets une barrière, un mur, et tu t'es dit, bah, ce groupe-là, pour moi, il a arrêté d'exister à partir de cette date-là, quoi. Donc, ouais. Et Oasis, bon, bah, Oasis, est-ce que ça existe encore vraiment, de toute façon Est-ce que ça aurait dû exister, surtout? Pardon. faut pas dire ça, les premiers albums d'Oasis, c'était franchement... Ah non, je peux pas. C'est exactement ce que je déteste de la pop anglaise, quoi. C'est, moi, c'est ça, c'est direct, je tire la chasse. Ah ouais? Ouais. Je supporte pas, c'est ça, ça. J'ai l'impression que mes oreilles vont saigner, quoi. Mais alors, tu n'aimes pas Radiohead? Eh ben si. Mais là, le pire, c'est que j'adore Radiohead, quoi. Ouais. Et je retrouve pas du tout le même son. Je sais pas, il y a un truc qui me dit. Ça m'énerve, Oasis, quoi. Je crois qu'après, pour m'énerver plus qu'Oasis, faut passer du Blur, tu vois. Là, je deviens fou. Ah, Blur, ça dépend, ils ont fait des trucs sympas aussi. Ah non, pareil, j'ai les oreilles qui saignent. Arrête, Song 2 de Blur, t'as jamais écouté? Ah! Quoi? Song 2 de Blur. Ah bah non, du coup, je te dis honnêtement, tellement j'ai écouté quelques morceaux, bah bien sûr, les plus connus, quoi. Ouais. Je vais pas te les citer, parce que là-dessus, je t'ai dit, j'ai une mémoire de Dory, quoi. Et franchement, non, je peux pas. Je supporte pas ce son, quoi. D'accord. Cette voix, c'est. Ah non, c'est... j'ai envie de citer. Où il a enregistré ce truc-là? Attends, j'arrive. J'arrive, je vous casse la gueule, et ouais! Je vais voir ce qui se passe quand je m'énerve. Donc voilà. Okay. Sans transition. Et toi, Martin, t'en as rien à branler? Ouais, un peu. On va dire ça. C'est pas mon truc, la pop. Hein. Enfin, bon, surtout Oasis. Ouais, si. U2, moi j'aime bien. Enfin, c'est pas un truc qui me. Ouais. Moi, je suis pas trop ce qu'ils ont fait, là, apparemment. Je dis pas, j'aime pas non plus. Moi, je. Ouais, U2. J'ai eu à entendre qu'il avait chopé la grosse tête, l'autre. Bono? Ouais. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, l'épisode de South Park m'a fait mourir de rire. Bon, encore un autre truc qui a envie de tuer ça. Ouais, voilà. Et ouais, Tony Blair, fan de ces groupes-là. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout. Pour ceux qui ont vu cet épisode de South Park, il faut savoir qu'il faut calculer la taille de Bono en courax. C'est la mesure officielle, c'est le courax. Ok. Encore une fois, je comprends pourquoi je suis pas fan de ce truc-là. Et là, on va passer au fail suivant, qui est un énorme fail et qui m'a fait énormément marrer. Celui-là, il fait marrer, ouais. J'ai cru que c'était vraiment une grosse vanne, en fait. Ah, quand tu l'as posté, honnêtement, j'ai cru que c'était franchement un sketch, quoi. C'est pas vrai, quand on va l'annoncer, personne ne va nous croire, quoi. Tiens, c'est... Mais au final, et oui, vous l'attendiez tous, il arrive bientôt. Michael Jackson, le Meuporg. Ouais, bravo, c'est pas possible. Un MMO sur Michael. Est-ce que je suis le seul à avoir un visuel dégueulasse? Ah, mais moi aussi. Ouais. Ça fait pédobien. Ça va être bon, je crois. Pourquoi j'imagine... Tu vas gagner des PV à choper des petits par derrière. Ah, mais c'est ça. Moi, j'imagine Euro Disney avec plein de gamins. Michael. Et t'auras le choix entre deux classes. Alors, ça sera soit pédophile, soit mort-vivant. C'est un peu ça. Ça va être énorme, ce truc. Yeah, I'm Michael. Oh, yeah. Oh. Ça doit être relou si ton mec t'es obligé de le faire avancer tout le temps en moonwalk partout. Je sais pas, ouais. Tu vois pas ce qu'il y a, tu sais, la caméra elle est bloquée. Bah, faut pas qu'il y ait d'escalier. Genre de question, est-ce qu'on peut se déplacer avec un bébé dans le slip? Ah, pardon. Je sais pas où ils vont aller avec ça, quoi. Non, bah, honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire, c'est clair. Je comprends pas du tout. Enfin, surtout, tu as le truc de trouver une histoire, quoi. Enfin, mais je vois pas où on peut. Moi, je dis chapeau au mec qui a vendu l'idée, quoi. Parce que le mec est en train de se faire du pognon, quoi, sur une idée de merdique, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. Je sais pas qui a vendu ça. Imagine les cums qui sont en train de produire le jeu, quoi. Enfin. Je sais pas, qui sont chez eux en train de bosser des textures pour faire le jeu. Ah ouais, ils le font là en ce moment, là, ils sont en pleine réunion, en brainstorming, là, ça fait deux semaines qu'ils cogitent, ils n'ont toujours pas trouvé, je suis sûr. Bah, ils doivent avoir envie de changer de job surtout. Ouais. Tu t'imagines faire des modélisations de cum pour faire un Michael Jackson Mais je sais pas, mais qu'est-ce que ça peut représenter? Parce qu'un jeu vidéo de Michael déjà, t'as envie de te poser la question où je vais? Si, moi j'attendais, moi j'ai joué au jeu sur Super Nintendo. Ah, sur Walker. Drive, ouais. Ouais, Moonwalker, ouais. Bien, mais t'étais dans l'univers d'un clip. Là, on n'est pas en train de parler d'un univers d'un clip. On parle d'un mec. Qu'est-ce que tu veux faire sur le pitch? J'imagine, ils vont prendre un univers particulier, ils vont faire. Ouais. Allez hop, c'est parti. Mais de là, est-ce que tu t'es. Alors, déjà, ok, on peut aller vers un concept. Tu dis, je vais aller vers un jeu vidéo. Bon, maintenant, un MMO. Là, j'ai peur, quoi. Ouais, non, franchement, j'ai peur. Je vois des images, franchement, là, je vais faire des cauchemars, quoi. C'est pas possible. Ça m'intéresse à partir du moment où il y aurait un orc avec une grande hache. Et qui traverse tout le jeu comme ça, sympathiquement. L'autre, puis l'autre, là, le dépouille. Bon, ça tient pas longtemps, mais c'est un beau jeu. Mais c'est pas possible. Mais le pire, tu vois, avec un truc pareil, bon, admettons, ils sortent bousin. Ce qui me fait peur, c'est que putain, ça va se vendre. Ah oui, non, mais ça va marcher. Moi, ça me fait flipper, ça. Ça va enfin, ouais, non, c'est le padré, Michael qui est encore en train de gérer un truc pour se ramener un peu plus de billes. Ça lui a pas assez rapporté la mort de son fils, il s'en ramène une couche, quoi. Je sais pas, c'est un problème, quoi. Non, bah, de toute façon, non, pas franchement, je pense pas que ça va se vendre. Si c'est un jeu, enfin, si c'est un MMO auquel on entend, c'est-à-dire abonnement et tout, c'est un public très particulier. Ah, mais je vais être complètement pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a fait flipper, tu vois, c'est le jour où il est mort. J'ai jamais vu autant de personnes, ce qu'apparemment aller sur internet, la télé, pour voir juste sa mort, son enterrement en direct. Quand tu vois que c'est le truc qui à la limite était le plus regardé au monde, ouais. Je me dis que rien que tu dis que c'est un jeu vidéo, il va se vendre. Après, je te parle même pas d'avoir un abonnement qui va réussir. Moi, je te dis la plateforme de base, le truc, il va se vendre. Ouais, il va faire du chiffre, ils rentreront dans les frais. Je sais pas si de niveau des serveurs à beau ou quoi que ce soit, s'ils ont prévu quelque chose et si ça marchera, mais je te garantis que le bousin, il va se vendre. Le CD, la galette, elle va tourner. Ouais. Je le sens bien comme ça. Quoi. Ouais, je sais pas, mais en même temps, que ça soit l'événement le plus regardé aussi au monde, tu mets en parallèle, c'était un peu aussi les médias qui ont surmédiatisé le truc. Quoi. Enfin, bien sûr, mais c'est, si tout on le monde l'a regardé parce qu'en même temps, c'était sur toutes les chaînes. Quoi, donc mais tu dis Michael, la chaîne elle paye, les gens les regardent. J'ai dit Michael, Game One, il va dire il y a Michael, ils vont rire. Même s'il y a des gens que ça fait rire, je te dis, je suis sûr que ça va sortir. Quoi. Mais grave. Ça va se vendre, c'est obligé. je suis sûr que t'auras des présentoirs, je vois les présentoirs d'avance à la FNAC. C'est ça qui me fait le plus flipper, quoi. Ça, et tu sais, ils en ont encore parlé il n'y a pas trop longtemps. Ils ont au moins encore une dizaine d'albums de lui qui veulent sortir. Ah oui, c'est ça. Mais, enfin, c'est cool. Moi, je suis sûr, je le sens arriver gros comme une maison, qu'au bout d'un moment, ils vont faire chanter ses gosses aussi. Ah bah ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Tu vas te faire parler la gamine, je trouvais ça inadmissible. Mais ils vont encore, tu vois, je vois bien le grand-père Jackson remettre les petits-enfants encore dans le délire et les surentraîner tous les jours juste pour qu'ils se mettent à danser comme leur père ou un délire dans le genre. Et ça va devenir encore n'importe quoi. Et les gens vont total adhérer à ce genre de délire. Donc, ouais, c'est n'importe quoi. Moi, je dis la prochaine étape, c'est quoi? Bah, moi, j'attends le STR Tino Rossi, quoi. Ça, je suis sûr, ça va te déchirer. Ah ouais, non. Ça va être 4000 fois mieux, là. Ouais. Fais de la stratégie avec Tino Rossi, le monde petit papa Noël. Ah putain, ça, ça va arracher. Et le FPS de Jean-Pierre Pernaut, il sort quand? Je sais pas. Regardez, une vieille qui fabrique des sabots. Ah ouais. Vous avez joué au jeu, c'est quoi, SingStar ou un truc comme ça? J'ai vu qu'il y avait un jeu Johnny Hallyday. Ah yes, ouais. Là, c'est pas. Laissez-le mourir. Tu vois, pour te contrer, pour te dire que ça va pas se vendre, le jeu Johnny Hallyday, et j'habite quand même dans un bled bien beauf, chez Leclerc, il y avait un gros stand avec tous les jeux de Johnny Hallyday et le machin était plein, il n'y avait pas un seul exemplaire devant nous. Là, on parle de Johnny, c'est un épisode. Ah, mais attends, Johnny en France, le mec, attends, le mec, tout le monde regarde. Il était tout le monde regarde, je suis d'accord. On parle de Michael et on parle d'un mort. J'appuie bien sur le sujet. Ouais, mais attends, Johnny, il est presque mort là. Regarde, tu regardes, regarde, même les pubs Optique 2000, c'est même plus lui qui les fait, c'est sa nana. Optique 2000! Ouais, ça fait peur. Non, c'est, honnêtement, c'est vrai que ça fait peur. Mais sans déconner, Johnny, il est mort. Je te parie que le stock de ce jeu vidéo, il va se vendre. C'est un effet, tu n'y peux rien. C'est un truc de fou. Moi, je suis persuadé que c'est ça. Tu fais un truc sur un mort comme ça, c'est parti, quoi. Demain, on te fait un jeu vidéo sur TikTok, tu vas l'acheter. Oui! Bref. Ouais, putain. Bon bah, écoute, hein, je sais pas où est-ce qu'on va avec ce genre de délire. La vie, ouais, ils vont droit dans le mur avec un truc comme ça. Ça va être monstrueux, quoi. Ouais. Bah écoute, si ça marche mieux qu'Hello Kitty, on verra bien. Et puis, je pense qu'on va encore avoir peur du résultat, mais. Ouais, mais une fois que ça va sortir, tout le monde va se foutre de la gueule, va aller y faire. Au fail. Tout le monde va y faire un tour. Et puis voilà. Quoi. On verra bien. Ouais. On verra la news chez Geeking qui testeront. Bien le test de ouf. Tu verras. Voilà. Julien en train de tester Michael Jackson sur la Kinect, tu sais, où tu dois faire les mouvements. Tu dois faire les mouvements, ouais. Les mouvements de danse. Voilà. Bon, bah, les amis, on va passer aux albums. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment on se fait ça? Chacun fait les siens, un par un? Chacun son tour? On s'en fait un petit? Moi, je propose que je commence. Ah bah moi, je propose que tu commences aussi, Cal. Alors. Ah, cool, alors. Ça tombe bien, parce que... Bah, on se fait un album chacun, ou... Allez. Ouais, un album chacun, je pense que c'est la bonne méthode. Yes. Allez, c'est parti pour les trois albums. Ouais, pour les trois albums des chroniqueurs. Ok, donc moi, je commence avec un album qui est sorti il y a pas longtemps, et qui s'appelle Senior, et... qui est de la team des Norvégiens, des deux DJ norvégiens, Røyksopp. Et donc, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe d'électro du Nord qui sort un peu des... Enfin, alors c'est assez diversifié leur style, parce qu'ils sortent aussi bien des titres qui peuvent se jouer en club, que des titres super que t'écouterais genre pour faire la sieste, quoi. Enfin, c'est des... Carrément, quoi. Ouais, pour ceux qui connaissent, c'est assez diversifié comme style. Et donc, leur dernier bousin, qui s'appelle Senior, ils ont sorti leur dernier album, en fait, d'avant, c'était Junior, et c'était, donc, comme je vous l'ai dit, des titres assez... qui avaient du punch, qui pouvaient se jouer en club assez facilement. Ouais. Et leur nouveau, là, Senior, bah, c'est carrément plus côté sieste, on va dire. Mais sieste dans le bon sens, quoi. C'est un truc assez... c'est des musiques assez relaxantes, enfin, assez tranquille, posée. Ouais, c'est franchement un gros kiff. Hein. Moi, j'adhère franchement à leur style. Ah, là, c'est total. Mais moi j'ai découvert ça suite à ce qu'on en est parlé, Martin, et c'est vrai que je suis j'ai pas écouté les anciens albums, j'ai un côté un peu senior, et c'est vrai que t'as un petit côté zen à ce son, quoi, super bien posé, très électro mais vraiment peace, quoi. Et moi ça me donne envie de lire de la SF, quoi, en fait. T'es, je sais pas, ça collerait peut-être même bien à des bandes originales de films, je trouve. Ouais, leurs morceaux sont assez strange et tout, enfin, ouais, ils ont... ouais, carrément. C'est pour ça que je vois bien de la SF avec un truc bien space opéra sur des moments calmes, hein. Je parle pas d'un gros battle. D'ailleurs, tu regardes leurs clips, c'est franchement, ils ont sorti un clip mystique. Pour un de leurs morceaux. Ils sont mystiques. Pour un de leurs morceaux, il s'appelle The Drug. Et en fait, le clip se passe, t'as trois bimbos, enfin, dans un univers apocalyptique. Enfin, c'est un peu. C'est vraiment super strange, quoi. Ah, je crois qu'il est important, de toute façon, que tu soulignes, c'est toi qui me disais ça, la signification du nom. Ouais, Røyksopp, en fait, ça veut dire, c'est le nom d'une variété de champignons hallucinogènes, quoi, en norvégien. Quoi. Enfin, je crois qu'en fait, ça traduit totalement leur musique. Quand tu les entends, c'est délire, quoi. Mec, ils sont dedans, quoi, ils en ont pris, quoi. C'est clair. Ah ouais, non, mais c'est principalement ce que j'aime beaucoup aussi chez Røyksopp, c'est l'attachement qu'ils ont au visuel, et ils font vraiment des trucs de ouf. J'avais vu un court-métrage d'eux. Qui tournait gratuitement sur Apple, sur le store Apple de vidéos, concerts et tout ça, mm-hmm, ouais. Qui était en téléchargement libre, en pure qualité HD 1080p, tout ça, je l'avais foutu sur ma téloche, et en fait ils montraient tout leur enregistrement, mais d'une façon différente, dans les fjords, quoi. C'est un truc de ouf avec les putains de rivières et les montagnes gigantesques juste à côté. Enfin, c'était un truc de malade. Et tu vois les mecs qui étaient en train de se peler, mais qui étaient en train de chercher des sons de rivières ou de cailloux qui tombent par terre juste pour les choper pour faire de leur zik. Ouais. Et non mais ils ont un univers assez énormissime, quoi. Ouais, énorme. Et d'ailleurs ils ont fait. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, il y a une pub. Je crois que c'est la pub d'Areva. Ouais. Qui fait, c'est un peu, on voit un peu plein de graphiques en 3D qui se mettent en mouvement avec des gens, enfin des petits bonhommes qui se mettent, enfin c'était et c'est un de leurs singles, en fait ça a été complètement pompé sur un de leurs clips qui s'appelle Remind Me. Ouais. Et en fait la pub est complètement pompée là-dessus, enfin pompée ou inspirée, en fait ça dépend là, mais c'est vrai qu'ils ont un univers visuel ultra léché, enfin vachement. Délirant et tout, mais c'est toujours bien foutu. Yes. C'est vraiment un gros kiff ce groupe. Ouais, très sympa. Merci de la découverte encore. Oh, c'est pas mignon. De problème. Faites-vous un petit bisou, les garçons. Allez, ah, oui. Alors, attention quand même. N'allez pas trop loin. Psycho, je vais te laisser continuer alors. Ouais, bah c'est parti. Donc, bah moi, le premier, ça va être Methods of Mayhem. Qui est une découverte pour moi, quoi. Qui est un bon groupe là de new metal, mm-hmm. Qui a été créé en fait fin des années 90 en fait par Tommy Lee, ouais. On connaît soit pour Motley Crue, mm-hmm. tant que batteur d'ailleurs, et soit pour Pamela Anderson. Ouais. Sa super vidéo qu'il a fait. Exactement, ouais, tout à fait. Et le rappeur Tylo. Et donc le mélange est assez péchu. Donc ils ont bien disparu, ils ont fait un album en 99, ils ont carrément disparu, ils sont revenus après deux. Ils ont tenté deux albums en 2000, ils sont revenus maintenant avec un deuxième album en 2000, avec un cinquième album en 2010. Donc l'album est Public Disservice Announcement. Franchement, c'est terrible. Ouais. Moi j'adore, surtout la première partie, parce que quand on écoute bien l'album, on voit bien clairement t'as une première partie qui est vraiment orientée rock, après quelques morceaux qui prennent au fur et à mesure, je trouve, en fait, je sais pas, c'est voulu, t'as l'impression que c'est un côté hip-hop qui ressort de plus en plus, mmh. Et jusqu'à finir avec la partie que j'apprécie moins vers la fin, un petit côté trop électro à mon goût, ça fait un peu inachevé, c'est pas trop ce que ça fout ici, mais t'as vraiment des morceaux qui sont vraiment terribles, dont le premier qui est mon préféré, je crois, de l'album, Drunk Uncle Pete, qui est tout simplement terrible, quoi. Donc que je le conseille, je sais pas si toi tu veux l'écouter, Zouli. Ouais, carrément d'accord avec toi, quoi. Enfin, moi je suis un fan de la première heure de Methods of Mayhem que j'ai connu dès le départ, parce que étant je sais, je vais me faire jeter des pierres dessus si jamais notre cercle écoute, mais étant fan de Limp Bizkit à départ, yeah, t'es pas le seul. Le premier album, il avait fait des featuring avec Fred Durst. Ouais. Et Moi j'étais carrément trop fan, en plus c'était juste le son que j'adorais à l'époque, les gros featuring rap metal et tout ça, enfin, c'était carrément mon délire quoi. Et après au fur et à mesure j'ai chopé des autres trucs d'eux, ils avaient notamment sorti tout un pack complet de samples pour tout le monde, c'était je crois dans les premiers qui faisaient ça d'ailleurs, parce que beaucoup l'ont fait derrière, de donner tous leurs samples de grade, de batterie et tout ça pour que les gens puissent faire des remixes avec et bosser. Excellent. Dessus. Oh, c'est super sympa ça. Ouais. Ça c'est bon. Des opérations comme ça. Ouais. Et du coup, c'était plutôt cool. Moi j'avais un petit peu fait joujou avec. C'était bien bourrin, indus et tout ça. Et ouais, du coup j'étais trop content de savoir qu'il y avait un nouvel album qui sortait. Ah mais ça pêche bien quoi en plus. Ouais. Quoi. Et vraiment. J'ai foncé droit dessus quoi. Donc voilà pour mon premier. Ah oui, c'était magnifique. Ouais, ouais, pour le truc que j'ai écouté, ouais, tu m'as fait découvrir ça l'autre jour et franchement, ouais. Ça sonne bien, moi j'aime bien. Carrément. Yes. Et ben moi, à mon tour, je vais vous parler de Black Mountain avec l'album Wilderness Earth, Earth qui est sorti ben, là, tout juste, Auguste, et qui est vraiment... je peux pas dire que ce soit un groupe qui sort vraiment du lot, Black Mountain. C'est vraiment un groupe super attachant en fait, parce qu'ils font du rock indé. C'est un groupe qui est super réputé sur scène en gros. Et je trouvais que le premier album avait pas le côté sympa qu'on retrouvait sur scène. Parce qu'il y avait quelques phases bien rock et des fois des flûtes qui sortent de nulle part, mais en fait tu dis putain qu'est-ce que ça fout là des flûtes, mais ça colle de trop avec le son. C'est un truc énorme. Limite, tu te fais carrément washing machine dans la gueule, quoi. Et le nouvel album est super cohérent, super intéressant. Il y a des titres super calmes qui sont pas chiants du tout. Et ça, c'est extrêmement rare à trouver de nos jours, je pense. Des titres acoustiques pas chiants. Et il y a des titres un peu plus péchus avec une nana au chant et le chanteur. Et bah moi c'est juste un album que je mets pour bosser presque tous les jours en ce moment. Donc bah je vous le conseille fortement. Voilà, Black Mountain. Ouais, il y a un côté très des fois un petit peu psyché quoi dans leur son quoi, qui est vachement agréable quoi. Ouais, ouais. Tu sais que j'ai particulièrement bien kiffé Roller Coaster et Let Spirit Ride. Ouais. Les deux titres. Il t'emporte bien quoi, je veux dire. Ouais, c'est bien je suis puissant. Pas trop forcément motivé par des trucs justement psychés à la base quoi, tu vois. C'est un peu comme Black Sabbath quoi, c'est un peu qui tout double sur certains morceaux pour moi, tu vois. Ça peut vite me fatiguer avec ce côté parfois trop stoner limite quoi. Mm-hmm. Et là j'ai vraiment adoré quoi. Yes. Et toi Martin, est-ce que t'as écouté l'album? Non. Non du tout. Là encore j'ai manqué mes devoirs là. Ah non, de... t'as pas de devoirs. J'ai un peu. Découvert là quand t'as annoncé les trois albums que tu... Je suis un peu à la masse là sur les albums que vous annoncez là. Enfin, ça... J'avoue que... Ah, tu voulais qu'on parle du dernier Christophe Maé Ouais voilà, c'est plus mon style déjà. Non mais sans déconner j'écouterai. D'accord. Je vous fais confiance sur ce plan là. Ah, tu devrais pas perdre ton temps en tout cas. Ouais. Bon bah je te laisse enchaîner alors. Attends. Ok, bon bah moi je vais me le jouer un peu rétro. Hein. Mm-hmm. Je reviendrai. Fais gaffe parce qu'on t'a dans le viseur. Je reviendrai un peu. Elle est mauvaise celle-là, mais elle est mauvaise. Et tu vois, j'avais même pas relevé sur le moment, je fais bon, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, enchaînons. On n'a rien entendu. Et je vais vous parler de Isle Communication des Beastie Boys. Yeah! Qui est mon gros kiff du moment. Enfin, je le connaissais déjà depuis longtemps, mais bon, là en ce moment, c'est le truc que j'écoute à fond. Ah, c'est tout simplement énorme. Et dans la mouvance, enfin, l'album c'est un véritable ovni musical. C'est du rap, du rock et du groove, de la funk, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. C'est Method Shaker aussi. Hein. Tu mets tout dans un truc, tu balances. Tu mets tout dans un saladier, tu mélanges et c'est que du bon. Parce que le cocktail il prend bien quoi. T'as des titres hardcore, punk, enfin plein de trucs. Enfin, c'est assez énorme et du groove, t'as des titres assez funk et jazz même. Et du reggae. Enfin, ouais, et du reggae, voilà. Enfin, c'est les seuls à pouvoir mélanger ces styles-là et en sortir des titres énormes. Quoi. C'est les Beastie Boys, quoi. C'est juste voilà. Excellent. Ça se résume par ça, c'est les Beastie Boys. Quoi. Parce que pas de se bourrer en général avec Non, clairement pas, quoi. T'as des beats ultra... Enfin, c'est des morceaux ultra chiadés, des beats impeccables, enfin, c'est... Ouais. C'est vraiment énorme, quoi. Ça, ça donne la pêche. Enfin, moi, moi, j'écoute ça en voiture et ça me... Enfin, faut faire attention parce que c'est limite dangereux, quoi. Ça, c'est tellement la pêche ce que j'allais te dire. C'est pas trop appuyé, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vraiment ultra bon, quoi. Enfin, je me rappelle que j'avais acheté l'album à sa sortie. Et bah, moi, franchement, à l'époque, c'était quoi? C'était intergalactique, quoi. Enfin, avec son clip juste hallucinant, quoi. C'était juste énorme, cet album. Moi, j'ai trop des gros bons souvenirs, quoi. Je m'écoutais ça à fond sur un poste tout pourri que j'avais, enfin... Ah oui, je vous en parle aussi parce que Hell Communication il est ressorti en remasterisé il y a pas longtemps, je sais pas cette année ou l'année dernière, Ils ont fait un remastering de tous leurs albums là. Ils ont fait et donc mais ça présente un intérêt certain. Donc si pour les plus jeunes on peut écouter, franchement jetez-vous dessus, quoi, c'est vraiment énorme, quoi. Ouais, c'est loin d'être de la merde. Et on va enchaîner avec toi, Psycho Félix. Yes, bah moi je vais un peu repasser à un mode calme, en fait. J'ai découvert un artiste là qui s'appelle Eric Lindell, avec son album là qui vient de sortir, donc qui s'appelle Between Motion and Rest. Voilà, si vous attendiez à du gros bourrin encore de notre part là sur ce coup-là, je vais vous prendre à contre-pied. C'est du blues rock qui tirerait même vraiment beaucoup vers le jazz, quoi. Donc c'est un auteur-compositeur qui est américain, qui est vraiment très très bon. C'est lui qui est au chant, il est aussi à la guitare, il est à l'harmo, il y a vraiment de tout ça dedans. C'est splendide, il y a beaucoup de cuivre. Autant on voit franchement des grosses influences sur certains morceaux, très blues Chicago et tout ça. On va retrouver dans d'autres morceaux une influence très San Francisco et tout ça, avec des côtés presque son Clapton sur certains morceaux. Et on va repasser des fois avec un jazz super prenant, hyper mélodieux. Il a une voix qui est super agréable, où t'as l'impression que ça sent la Louisiane, sans arriver non plus au mode Bayou avec du bon blues un peu plus excité. C'est un pur album qui s'écoute tranquillement avec un bon café. C'est tout simplement une pure merveille pour ceux qui aiment s'écouter du petit blues jazz. C'est vraiment pas à louper, quoi. Oh yes. Vous avez écouté ça ou pas? Non, moi je l'ai pas. Ah non, moi je connaissais pas, mais je vais me jeter dessus parce que je suis vraiment fan de ce style. J'ai adoré. Enfin, moi j'ai super accroché. Je suis resté. J'ai lancé ça, je me suis posé. Pour tout dire, j'étais dans mon plumard, j'ai écouté ça. J'étais wow. La description que tu m'en donnes me donne super envie d'écouter. Quoi, donc. Bah tant mieux. C'est le pire. D'ailleurs, petit parallèle, tu parlais d'Eric Clapton et juste pour signaler qu'il a sorti un nouvel album. Ouais, j'ai hésité à en parler, mais en fait, je suis hyper mitigé sur encore mon avis perso. Bah, moi, je suis hyper mitigé, je l'aime pas en fait. Voilà. Je l'aime, mais je l'ai pas encore écouté. C'est pas mauvais. C'est du Clapton, mais on dirait que ça manque de personnalité et d'originalité. Voilà. Mais c'est pas. Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas un album où il y a des reprises ou des trucs comme ça de choses qu'il a pas faites lui-même. Enfin. Ah, c'est possible. Alors ça, je me suis pas renseigné. J'avais cru lire c'est ça, pas mais c'est sûr. Je dis peut-être une grosse connerie. Hein. Mais je trouve ça dommage, en tout cas, d'appeler un album presque, on va dire, demi-éponyme pour avoir quelque chose de pas si abouti que ça. Bref. On a dit on n'en parlera pas. Ça reste pas pour moi le meilleur album d'Eric. Non, pas du tout, quoi. Alors là, on est loin du meilleur, quoi. De toute façon, moi, ma référence avec Clapton, ça restera l'Unplugged, un point, c'est tout. Ouais, oui, c'est ça, j'ai lu, je viens de relire là, il y a des covers dedans. Tu disais Psycho, j'ai pas entendu. Si tu parles du MTV Unplugged. Ouais. Ouais, c'est Only the Best. C'est clair. Il y a beaucoup de reprises, il y en a très peu qui sont de lui au final, quand tu écoutes bien. Mais c'est un mec qui m'a fait prendre une guitare un jour, donc ça, c'est en regardant ce genre de trucs ou du Crossroads, les concerts qu'il a pu organiser avec des gratteux qui m'ont fait prendre une guitare, quoi. Et là, justement, à l'inverse, j'ai pas envie de prendre ma guitare quand j'entends son truc, quoi. Ça m'a bien déçu. Et puis avec sa vie, il rase sur la pochette. Et j'allais te dire ça, pareil, j'allais te dire sérieux, j'ai envie de lui amener une tondeuse. Quoi. Ouais, non, mais oui, je viens de relire, je crois qu'il y a pas mal de covers dans l'album. Ah ouais. Ça expliquerait un peu le fait de le manque de. ouais, pas d'originalité que t'as dit. Ça fait pas la donne, quoi. C'est totalement... Je sais pas, mais je pense que c'est pas très raisonné comme choix, on va dire, quoi. Bref. Ouais. On va passer chez... Ouais. Et bah moi, je vais vous parler d'Asher Roth. R-O-T-H. Roth. Avec l'album Asleep in the Bright Hazel, qui est sorti en 2009. Qui est Asher, qui est un artiste hip-hop, un blanc, tout maigrichon, avec une vieille race. Il me fait carrément penser au mec là qui joue en ce moment dans The Social Network ou qui a joué dans Zombieland. Il a exactement la même race que ce mec, archi maigrichon. Tu sais très bien que tu vas lui donner de la porcelaine, il va la faire tomber tout de suite, quoi. The Moon. Ouais, c'est carrément ça, quoi. Et il a fait un putain d'album avec des sons super originaux, des beats qu'on entend presque jamais. Et n'y voyait rien de salace derrière ces mots. Y'a que toi qui... Non, y'a que toi. Là, y'a que toi. C'est calme tous les deux, y'a que toi. J'ai commencé à rigoler dans ma tête comme un gros con. Donc voilà. Et il a fait des petits featuring bien sympathiques, notamment avec CeeLo Green, le chanteur de Nars Barkley, qui a sorti un album solo là récemment avec un titre que je n'arrive pas à me passer. Qui s'appelle Fuck You. Et il a fait aussi un featuring avec Busta Rhymes quand même. C'est pas de la merde, quoi. Et quand tu dis que ce cum il ressemble à Kal, ouais, et tout ça, et que tu le vois faire des putains de trucs de ouf, même en live, il gère carrément, il a un phrasé, mais laisse tomber, Eminem à côté, c'est une pédale. Ça tombe mal. Et bah... Merci. Putain, comment je vais enchaîner avec ça? Plombe mon truc là. Ouais, non, mais je suis désolé, faut dire la vérité. Je suis détesté au tournant. Oh, non, c'est pas de la merde, Eminem à côté, faut pas dire ça, c'est pas du tout le même truc. J'adore Eminem, mais là, franchement, ça fait du bien de voir autre chose et que ça soit aussi bien fait, voire même. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ce mec m'a trop fait penser, enfin, avec l'artiste Mac Miller que j'avais posté sur le blog, enfin, c'est le genre de. C'est le mec blanc, enfin qui sort de le petit blanc qui sort de nulle part et qui sort un truc de hip-hop. Ah, c'est lui sur son cover là. Sur le cover, c'est ça. Énorme. Ah ouais, quand même. Et ouais, tu t'attends trop pas à ce que ce mec soit un gros rappeur de ouf, quoi, parce que tu le vois, il est habillé. Il est habillé, je sais pas, par le skate shop du coin, et puis voilà, en course et tout, avec un petit shirt Volcom qui a 10 piges, et puis voilà, quoi. Mais ouais, ça dépouille bien, donc je vous conseille fortement de l'écouter. C'est son premier ou c'est quoi? C'est son second album, je crois. D'accord. Il a fait beaucoup de mixtapes avant, et là, bientôt, il sort un nouvel album avec encore des... Mais ce qui me fait délirer, c'est que en fait, sur son prochain album, il a fait voir quelques covers. Et qu'en fait, sur les covers, tu le vois lui devant avec un gros black immense derrière lui. Putain, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Enfin, ouais, c'est assez marrant. Au début, t'as plus l'impression que c'est une parodie, mais non, en fait, le mec, il assure. Voilà. À vous, les studios. Yes, vas-y, enchaîne, Martin. Vas-y, kiffe maintenant. Bon, Moi, j'enchaîne alors sur l'album d'Eminem. Ouais, qui est pas super récent, enfin, qui date de cette année, du début. Ouais, cet été. Ouais, juste avant. De Recovery. Yes. Et c'est franchement bon. Moi, j'ai vachement bien aimé. C'est un bon retour d'Eminem. Alors, ça peut un peu distraire, dérouter ses fans. Parce qu'il n'y a pas vraiment de single. Enfin, on retrouve pas son côté humoristique qu'il a pu avoir. Mm-hmm. Ah, c'est normal, c'est un album de sortie de dépression, quoi. Donc, ouais. En même temps, je trouve qu'il retrouve son son, quoi. Ouais, il retrouve du son, on voit, il y a un flow à lui derrière, même si c'est pas le même. Il retrouve son son, il retrouve vraiment bien son son, et c'est. Il est vraiment bon, ça me fait un peu. C'est vraiment l'album de la maturité, quoi. Enfin, c'est vraiment le. Ah, j'aime pas cette expression. Bah, ouais, mais c'est un peu ça, quoi. C'est. Non, mais je suis complètement. C'est le mec qui sort d'une phase de vie. Mais t'as vraiment l'impression qu'il a laissé tomber, en fait, tous les délires bling bling qu'il avait avant avec les autres, genre avec... Je sais pas s'il avait vrai encore derrière. D12 et tout ça, quoi, mais... Ouais, je sais pas s'il Dre toujours... L'album, c'est super bien son nom, quoi, enfin c'est... Carrément. Pour moi, il est carrément au-dessus des autres. Hein. C'est des, Et puis, on retrouve aussi la magie dans ses clips, quoi. Je veux dire, tu regardes I'm Not Afraid, le clip, c'est pareil. Ouais. Même s'il n'y a pas, comme tu dis, le petit côté humoristique qu'on a. Ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est Not Afraid, c'est quand même le gros single qui sort du truc. Et en fait, c'est pas du tout. Non, mais à côté de ça, t'as le visuel, tu reconnais du Eminem, quoi. Parce que tu vois que ça, t'as un concept un peu super-héros, t'as de la métaphore, bien sûr, à travers tout ça. Ouais. Et j'ai surkiffé le clip, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est un gros. C'est encore ça qui peut. Enfin, je veux dire, un peu dérouter ceux qui l'ont connu, qui l'aimaient un peu par son côté humoristique. Parce que tu regardes tous ses anciens albums, tous les singles qu'on cartonnait, c'était le côté humoristique, c'était My Name Is, The Real Steve Shelley. Basé sur le même délire, quoi. Ou alors même son avant-dernier, là, 8 Medieval, qui était franchement. Pour moi, enfin, moi, j'ai vraiment. Ouais. C'était vraiment fou. Ouais. Ouais. Je le dis carrément et que là, je suis bien d'accord aussi. Ouais. C'est vraiment un nouveau son, enfin un nouveau Eminem. Enfin, ça fait plaisir. Bien. J'espère qu'il va tenir le pavé comme ça, quoi. Parce que moi sur cet album, je suis bien fan du featuring avec Pink, la chanson qui s'appelle Won't Back Down. Back Down, ouais. Ah, putain, mais comment terrible ce son. Ouais, tous les featuring qu'il a fait sur l'album, ils sont vachement bien. Ouais, carrément. Ouais. En plus, il y a Rihanna dedans. Ah bah oui, voilà. Oh là là. La demoiselle de téton percé. Chapiteau. Ouais. Donc voilà Eminem Recovery, fais du bon, jetez-vous dessus. Yes. Et bah moi je vais enchaîner. Ah bah non, c'est la psycho. Oh bah vas-y, prends la main. Non, vas-y ma poule. Ok. Bah moi je vais vous parler d'un collectif qui vient de se créer, qui s'appelle Black Country Communion, avec un album qui s'appelle juste Black Country, qui est tout simplement énorme. Pour résumer, ça vient de l'idée d'un certain Glenn Hughes. Glenn Hughes, si personne connaît, c'est juste Deep Purple, quoi. C'est juste Deep Purple. Et d'un certain Joe Bonamassa. toi, tu sors. et juste d'un guitariste qui s'appelle Joe Bonamassa, qui est un Anglais, qui est très très peu connu en France, quoi. Qui est juste un mec, il fait salle pleine dès qu'il débarque. Il y a un gros bluesman, un malade mental, qui se permet d'envahir des salles anglaises en demandant un petit passage d'un petit Clapton dans un coin, et qui a décidé de réunir en plus de deux Jason Bonham, juste Led Zepp, quoi, juste ça, et un certain Derek Sheridan qui a beaucoup travaillé avec Kiss ou Alice Cooper, et qui nous sortent un album, une tuerie. C'est du pur blues électrique avec des riffs qu'on peut pas surkiffer, quoi. C'est envahissant. Bonamassa à la guitare, c'est tout simplement, on a l'impression qu'il a le diable dans les mains quand il joue du blues. C'est incroyable. Il y a rien d'autre à décrire. Écoutez-le. On a le gros avantage, c'est que il y a trois chanteurs là-dedans, donc on profite de chacun des voix de chacun. Les titres sont un peu distribués comme ça, c'est sublime. Yes. Ça envahit les oreilles, c'est pour peu qu'on aime le bon son, le bon ton comme ça, de très électrique. Voilà, ça c'est mon album numéro 1 pour la semaine, quoi. C'est une tuerie. Ouais, moi c'est. Ouais, c'est toi qui me l'a fait découvrir, qui m'en a parlé. Du coup, j'ai foncé tête baissée parce qu'en général, on est assez d'accord sur pas mal de trucs. Ouais, clairement. Et putain, je suis pas déçu du tout parce que c'est juste du bueno bueno. Hein. Ah ouais. C'est de la grosse tuerie. Hein. Tiens, y a aucun titre acheté, quoi. Ouais. Hein, c'est rare que je dise ça sur un album. Pour moi, un album, t'as un peu de tout, quoi. Mais sur celui-là, je veux dire, j'ai même pas envie d'en toucher un seul, quoi. Si je lance l'album, je vais pas écouter une chanson, quoi. Faut que je me bouffe entièrement, quoi. Voilà. Ouais, moi j'espère que ça va me réconcilier avec les super groupes. Ah parce bah tu verras. C'est... Mais ouais, c'est que du nom, comme tu dis. Crains pas la supergroupe. Qui trouve, qui tombe bien, voyons, Martin. T'as que des piliers un peu du hard rock, quoi. Enfin, il y a Deep Purple, il y a quoi, il y a le C'est le guitar, il y a le guitariste de Black Sabbath dedans, non, je crois, non, aussi. Alors attends, il a fait un autre. Bah si, si, en fait, il a, enfin, c'est justement, c'est Glenn Hughes qui était avec Black Sabbath. Ah oui, oui, c'était lui. Ouais. Tout à et fait. Ouais, c'est que. Et qui partage la guitare aussi, donc avec Bonamassa, quoi. Et tout simplement, ça pique les oreilles, quoi. Ah ouais, grave. C'est une putain de tuerie. Hein. Je vous conseille fortement aussi d'écouter les gens. Jetez-vous dessus. Hein. Voilà pour moi. Ah, moi, je pense que voilà, t'as fait un truc super sympa et je te mets une étoile, psycho. Bravo. Ah, merci. De m'avoir fait découvrir ce truc. Ah yes, bravo. J'ai un bon point. Eh oui, t'as une image. Ah cool. Voilà. Moi, je vais vous parler en dernier de Electric Six, qui sort un nouvel album qui s'appelle Zodiac. Alors, Electric Six, qu'est-ce que c'est ? Electric Six, c'est un groupe qui a fait surface il y a à peu près plus de 10 ans. Un mec complètement starbé, avec une moustache, des chemises incroyables qui sortent de nulle part, qui a le bon goût de se mettre en short, limite en caleçon, avec des chaussettes jusqu'en haut des genoux. Et des chaussures de golf. Tu parles de Freddie Mercury ou quoi? pour te faire un topo, vous voyez Johnny Depp dans la film de la Vegas. Ah ouais. Ouais, je vois bien avec le beau chapeau qui tue. Et bah, imaginez-vous avec une moustache et en train de chanter sur de la disco mélangée à du rock, mélangée à, je sais pas, une voix carrément archi rock'n'roll. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est un ovni total, et ce mec fait tout seul chez lui, en fait. Ah, il est tout seul? Ouais. Ah oui. Et bon, en live, bien sûr, il a des icônes, hein, ça n'est pas possible. Ouais, bien sûr. Mais sinon, il fait des trucs de ouf, et sur cet album, il y rajoute un petit peu plus de synthé, de conneries comme ça. Je sais que le synthé, c'est la grosse merde, je l'ai déjà dit sur le précédent épisode. Ouais, c'est la grosse merde du moment, ça. Ouais. Ce moment. Ah oui, synthé, partout. C'est le vieux champignon qu'ils insèrent un petit peu partout en ce moment. Ah ouais, ah ouais. Mais sur cet album, c'est totalement légitime, en fait. Parce que tu peux pas faire autrement, si tu veux. C'est tellement un concept musical et complètement barré et débile que le synthé est totalement super bien placé, quoi. Donc moi, je vous conseille énormément d'écouter. Je peux pas vous le décrire forcément, parce que aucune chanson ne se ressemble vraiment dans l'album, mais je vous conseille aussi de récupérer toute la discographie ou de l'écouter. Je crois qu'elle est entièrement sur Spotify ou même sur Deezer, de réécouter les premiers albums qui sont juste énormissime, et d'essayer de choper les clips aussi, parce que c'est vraiment porte nawak, quoi. T'as l'impression d'être dans un clip japonais toutes les 5 minutes, c'est un peu ouf, quoi. Donc, moi j'ai écouté un peu l'album, c'est vrai que j'ai trouvé, je me suis fait la même remarque, j'ai trouvé ça un peu d'électronique de synthé qui est encore là, quoi. Ouais. T'as l'impression que c'est vraiment le truc qui les obsède en ce moment tous, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un très bon son. J'ai surkiffé Calm Down to Calm Down, yes, qui est vraiment un pur morceau, quoi. Ouais. Et c'est vraiment une bonne découverte. Bah moi, ouais, c'est surtout en fait parce que j'étais super fan d'un de ses premiers albums, où il y avait une chanson qui s'appelait Dance Commander, qui était juste une pure tuerie de la mort. Et lui, c'était un gosse de 30 piges, à moitié en calcif chez lui, en train de compéter avec un club de golf. Enfin, en train de sauter sur son lit, faire un bisou à son coussin, enfin, des conneries tout con, quoi. Mais voilà, quoi. Rock'n'roll, mon fils. Yeah, very good. Voilà. Eh ben écoutez, on a fini avec les trois albums, les copains. Bah ouais. Hein ? C'est magnifique. C'est quoi, presque qu'on en a fini tout court. Bah ouais, on a carrément assuré, les mecs. Bah ouais, on s'en sort pas mal. Ah, nickel. Pour pas un... si mal, hein. C'est sympa. C'est quoi, ça va être le numéro 1. C'est le numéro 1. Ouais, bah ouais. Ouais. Attends, faut mieux qu'on en profite. On a qu'à se kiffer tout de suite, parce qu'après on va se faire massacrer. Épisode 1, voilà. C'était dans la boîte. On fait un peu de spoil sur les prochains. Sur les petites idées, vas-y. On sache un peu si certains. Alors n'hésitez pas dans vos commentaires, dire d'abord ce que vous avez pensé un petit peu de la formule qui est en train de mon avis, qui va s'étoffer, qui va peut-être se changer. On a déjà quelques petites idées, faire des petites rubriques un peu plus orientées sur des OST, pour faire découvrir des bonnes bandes originales pour ceux qui aiment, et pas simplement, je précise tout de suite, des bandes originales de films, parce qu'on a bien l'intention aussi de s'occuper de séries télé et pire, de jeux vidéo. Pire. Ouais, d'ailleurs, je voulais déjà. Enfin, moi, j'ai hésité là sur les albums que je voulais commenter. J'avais l'intention de commenter l'OST de Halo Reach, qui est super bien. Je suis pas Halo World, donc. Qui coupe, mais pas vraiment beaucoup, mais qui coupe un peu avec avec les anciennes OST des jeux Halo où il y avait beaucoup de cœur, et là, c'est beaucoup plus centré sur l'instru. Je pense que ça sera la bonne occasion de mettre une formule pour le prochain, quoi, d'en causer à fond sur le sujet. Ouais, grave. Moi j'ai Assassin's Creed 2 que j'ai beaucoup aimé, quoi. Il y a une recherche au niveau des instrus qui colle à l'univers, une pureté, un truc de fou. Starcraft 2. Et j'ai envie aussi de parler d'une BO. Je sais que The Bully, tu vas être complètement d'accord avec moi, avec Troubled. Ah yes. On a envie de causer sur le sujet. Et aussi vous proposer, si vous êtes toujours intéressé dans ce genre de concept, de causer un petit peu aussi autour des DVD et des BR. Bon, je parle pas forcément des sorties actuelles, mais du gros kiff du moment, parce qu'on a envie de parler aussi, je pense, de Chicken Foot, qu'on a tous écouté, et qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, avec du petit Satriani. Et je vais récupérer le dernier Blu-ray de Black Label Society, qui fera peut-être l'occasion donc d'une petite review pour le prochain épisode. Eh bien, moi, pour ma part, je pense que la prochaine fois, je vous parlerai d'un live aussi, le live de Radiohead, qui a été tourné entièrement par les fans et qui a été mis en ligne gratuitement en full HD. Et franchement, c'est une bonne petite tuerie. Carrément. Okay. Et moi, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler la prochaine fois. Ah si, d'Halo Reach déjà. D'Halo Reach déjà, tu vas nous parler. Okay. Voilà, ça c'est fait. Et puis éventuellement, pourquoi pas, la prochaine fois, nous recevrons peut-être un invité en plus, qui n'aura pas forcément de sujet préparé, mais qui pourra intervenir à loisir sur les sujets. On verra au kiff du moment, parce qu'il y en a certains que moi j'aimerais bien inviter, surtout qu'on a on a du Zikos autour de nous dans les dudes qu'on peut côtoyer, et j'enverrais bien faire un petit tour à nous parler un peu de sa passion, parce que c'est quand même un super gros compositeur. Je pense qu'on parle du même. Ouais, on va pas le citer, il va se reconnaître, il a intérêt à écouter l'épisode. Et après il va se la raconter à mort, alors c'est même pas la peine. Faut qu'il se coupe les cheveux déjà. Voilà, il se coupe les cheveux et trouve du boulot. Yes. Voilà. Bon, bah moi je vais rajouter aussi derrière que n'hésitez pas à venir commenter, surtout c'est super important, sur le blog, pour savoir ce que ça donne, ce que vous en avez pensé. Si vous supportez pas nos voix, si vous avez envie de nous cracher à la gueule, la totale. Ouais, le fond comme la forme. Voilà. Si Camphy une seule adresse. Envie de dormir en écoutant, c'est que on s'est super mal démerdé. Moi, j'aimerais aussi remercier les mecs. Bon, je l'ai peut-être déjà dit au début, mais les mecs du projet du web et les mecs du. Tous les gens du Dudes Bar, les clients. Mais ouais, nos clients chers à nos cœurs. Voilà, donc Psycho et moi, nous sommes les boss et Martin qui est un employé modèle. Oui, c'est notre enfant. Et tout pour nous aujourd'hui. Merci à chaque à chaque fois de réagir avec beaucoup d'optimisme à toutes les conneries qu'on décide de faire. Moi, je trouve ça juste énorme. Je suis super touché. Ils sont géniaux, tout simplement. Voilà. Et merci aussi aux gens qui croient en nous et qui ont envie d'entendre plus. Et merci à ma famille. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à lancer un petit appel. Oui. Aux gens qui sont inscrits sur le blog. Oui. Aux rédacteurs qui n'ont pas posté depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, depuis un petit moment en effet. Ça serait bien de venir un peu. Ça serait sympa. Et pourquoi pas la prochaine fois récupérer Emma avec nous qui a très envie de refaire un numéro. Hein. Ouais, très sympa. Ouais. Très alors sympa. Pour pas les citer, il y a Piuk, il y a Beka, il y a Poppy. Il y a les aussi directement. Une balance directe, allez, vas-y. Ah ouais, ouais. Notons que Yvette a fait son premier. Puis même s'il y a des gens. S'il y a des gens qui sont un peu motivés pour poster dessus, pourquoi pas, hein, on est ouvert à toute proposition. Vous connaissez nos emails, vous nous envoyez un mail. Ou une seule adresse, zik-box.blogspot.com. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vais vous faire des gros bisous, les mecs. Allez, hein, à bientôt. Hein, je vous fais. Ouais. À bientôt, écoute, tout le monde. Allez, tu c'est un plaisir, hein, à toi aussi. Hein. Martin, ça va? À bientôt. T'es bien avec toi. Allez. Faites attention sur la route, les gars. Ah, t'inquiète, ça va. On va le faire. Let's rock. Bon, allez. Ciao. Ciao. À plus tard. Bye bye, à la prochaine. Bye. Ciao, les gens. À plus. Nous à Zigbox, on adore les artistes, oh yeah. Mais ce qu'on préfère avant tout, c'est boire de la bière avec les potes. Nos potes à nous, c'est Zigbox. Oh yeah. C'est fini. Allez. Mais vous êtes complètement dingue. On veut y rentrer chez vous maintenant. Bande de foufous. Ah, moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Non, toi, je ne t'aime pas. Mais toi, je t'aime. Et toi aussi. Bon, bah maintenant, barrez-vous. C'est bon, là. Foutez-moi la paix.